Alleluia, amen. Amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Vous vous racontez encore une autre histoire dans cette quatrième session avant d'avancer. Il y a une histoire que je vous dis souvent que il y a un homme qui était venu me voir en disant que donne seulement ton OK et puis on t'envoie. Si vous dites ça, n'est-ce pas? Vous allez suivre quand il raconte cette histoire. Il y avait un homme qui était venu, il m'a dit Full Gospel. Que il y a des détecteurs comme ça, ils détectent des talents, ils essaient de pervertir. Tu as suivi ça? Ah, c'était là. Donc, vous savez, quand le Seigneur est venu m'appeler là, quand tu disais qu'il y a un problème quelque part, on partait seulement. Donc j'étais seulement, quand quelqu'un, surtout quand j'entendais que quelqu'un est possédé, c'est que le démon va seulement sortir. Donc quand les gens entendaient, oh, pas là-bas, oh, pas là-bas. Alors un frère là, il venait me dire, il y a un frère là-bas qui organise quelque chose, celui vient alors chez lui. Il dit, ok, il veut venir, il veut prier le Seigneur. Le jour là, parmi eux, il a pris 5 jours de jeûne. Il priait, chaque soir, il priait seulement, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Tout ce qu'il disait, manifeste-toi, manifeste-toi. C'est revenu chez lui le soir. Il avait un de ses fils qui était à vous appelez, apparemment ils ont une école à Bamenda. Quoi qu'il était en deuxième année, il y a une école à Bamenda. Un frère de Nassien. Oui, j'avais dit Seigneur, le travail là, je n'ai plus besoin de travail, l'école, rien, tout ce que je veux, c'est te servir. Si tu veux faire de moi comme Élie. Tu as fait le concours, tu as réussi. Pourquoi tu n'es pas parti? Quand j'ai, à un moment donné, j'ai encore pris une période de jeûne. J'ai prié, je suis parti, j'ai passé là, le Seigneur m'a pas dit de partir. Le Seigneur m'a dit d'aller plutôt continuer l'école, faire le doctorat, pour ouvrir les portes pour le travail. Il va montrer qu'il ouvre la porte pour le travail. Uh-huh. Enfin, il a tout ce qu'il disait, Seigneur, tu me parles de doctorat, moi je prends l'argent, il faut beaucoup d'argent pour le doctorat, il me faut 12 millions. Uh-huh. Et donc, quand j'ai pris une période de jeûne de prière, chaque jour j'allais seulement pour soulever de prière. J'ai dit, Seigneur, par rapport à l'école, tu me parles du doctorat en même temps. Comment je fais? Quand tu parles par rapport à l'école, c'est l'école de théologie là, l'école biblique là. Et tu allais lui demander à Dieu s'il faut partir ou il faut partir. J'ai dit, Seigneur, moi voilà qui pars à l'école de théologie en l'Institut biblique de Bamenda. Seigneur, le doctorat dont tu m'avais montré. C'est comment? Je fais comment? Et en même temps. Parce que tu me parles de voilà, et en même temps maintenant, Seigneur, je prends l'argent pour pouvoir financer les études. Mm-hmm. Donc j'ai pris une période de jeûne où je me sens enfermé. J'ai pris 3 jours assez. C'est vers le troisième jour où ils me montrent comment j'ai un dossier d'ampleur. Mm-hmm. Donc ça, c'est en réponse à mon financement pour l'étude doctorat. Mm-hmm. Ils me montrent comment je suis à l'entrée. Dans la leçon, je vois bien qu'il faut déposer les dossiers. Le dossier. J'ai un dossier bien comme pour constituer mm-hmm. avec tous les éléments nécessaires. Mm-hmm. Ce que je sens dans le sens, c'est que on est en train de recevoir, c'est de la lettre A, selon mm-hmm. le nom commence par la lettre A. Mm-hmm. Et ce qui va suivre, c'est la lettre B, ce sera mon tour mm-hmm. pour recevoir, enfin pour recevoir les ce dont je vais avoir pour pouvoir faire le financer mon doctorat. Mm-hmm. Donc c'est, je vois le sens, et comme on priait, c'était un frère là, le mercredi, qui suivait qu'on intercède, parce qu'on avait des jours de prière, une personne a la vision, que le Seigneur ouvre une porte d'emploi. Mm-hmm. Une autre personne fait la prophétie directement après, mmh. Toujours par rapport à l'emploi. Mmh. C'est comme cela que. Tu as et l'emploi était là. Oui, et après, quand je continue justement dans le son, justement, le Seigneur détourne carrément mon attention. Quand je suis parti au pasteur, donc j'avais mon conscience, parce que lui n'était pas disposé à signer, comment appeler encore sa lettre de recommandation, parce que ça fait partie des éléments à constituer pour le dossier. Pour le donc il avait résisté justement, parce qu'il avait dit et Jonathan, tu fais, qu'est-ce que tu fais du doctorat que tu dois. Si tu parles à l'école, lui dit que ce n'est pas le moment. Donc j'ai dû insister, j'ai même gêné pour qu'il puisse me donner mm-hmm. une lettre de. Pour l'école publique. Une lettre de recommandation pour l'école publique. Mm-hmm. Donc quand j'ai encore pris un temps de recul par rapport à ça, quand j'ai pris par rapport à l'école publique, il a mis la foi. Il s'est pas dit que le pasteur a fait, il ne veut plus aller à l'école cette année-ci. Lui, mais comment, quelle était la réaction du pasteur? Il a dit que tu partais, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais du doctorat? Puisqu'il dit que je te vois encore avec la mallette là, mm-hmm. la mallette là par rapport au doctorat. Je te vois encore, quand tu me parles, je vois encore la vision là. Mm-hmm. Donc, le type-là était. Il y avait donc un de ces gens qui venaient de Bamenda. Vous savez, quand on a la connaissance, en ce temps-là, je vous ai dit, il était bizarre quand il venait des crocs. Bizarre, petit comme ça. C'est la nourriture d'assez grasse qui m'a donné même un peu de poids comme ça. Alors, je suis là. Ils ont parlé de la soirée, le moment est arrivé, ils sont levés. La salle, son salon était vraiment grand. Et par réflexe, ils ont mis le baffle même dehors. Par réflexe, ils ont mis le baffle dehors. Ils ont donné le micro. Il n'y a plus le micro. Je ne savais pas ce qu'il devait faire. Je ne savais pas ce qu'il avait dit. Il n'y a plus le micro. Il a fait, pousse, puis tester sur le micro. Bon, tapé, pop, pop, pop, pop. Allô, allô, I'm off me there. Ça a pris les gens. Bah, bah, bah, bah. Sa femme est sortie comme ça. C'est sa femme elle-même la première. Na, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, au milieu de rang. Au sol. Boum. Ouais. J'ai aussi arrêté le micro comme ça. J'ai regardé comme ça. Tout le monde regardait. Tout le monde regardait. Ils étaient étonnés. J'étais étonné. Ouais. Il me souvient bien. Elle était en sol comme ça. Ouais. Elle pouvait plus se contrôler. Ouais. Ouais. Ah. Le père là, qui m'a invité à lever la main aussi, comme ça que, oh, Seigneur, merci. Merci. Merci. Vous savez, l'homme a toujours cette tendance à laisser la grâce de Dieu et se focaliser sur l'homme. Pas que je suis venu, même au moins souvent, comme on vient, je viens souvent, il peut toucher, toi tu as tel problème, sors d'ici là. Il sort de prendre le micro, j'avais le micro, elles sont dans la bagie, il t'a retourné, qu'est-ce qu'il prend celle-là maintenant? C'est qu'est-ce qu'elle danse, vous savez, c'est une bamileke. C'est le tcha-tcha, qu'elle danse là-bas, c'est quoi? Coucou, coucou, poum, seul au milieu là-bas. Poum, les choses bizarres sont sorties là. Il dit c'est quoi? C'est après donc qu'il me dit qu'ils sont allés à plusieurs endroits pour ce problème, c'est qu'elle avait un problème terrible. Depuis là, elle a été délivrée par le grâce de cela. Délivrée de cela. Alors qu'elle a vu ça comme ça, réflexe numéro 2, c'est lui sur un grâce en lui où on peut utiliser dans le full gospel. Il a un grâce en lui. Il est vraiment voir ça soit là. Il dit que je t'ai dit, je suis en contact avec elle. Donne seulement ton OK. On signe ton papier. Vous voyez comment on peut pervertir le nom de Dieu. Dieu m'appelle hors de ces choses-là. Il va m'aller m'enfermer là-bas. Il dit, ok, il va prier. Une fois, il va prier. C'est le même mettre à genoux. Quand il m'a comme vous m'avez vu me mettre à genoux là. Je suis mis à genoux, il a dit la ferme. Il a dit quoi, frère? La ferme. Je sais ce que la ferme veut dire. La ferme. Il y a deux fois comme ça que Dieu m'a insulté, deux. Ça, et l'autre fois que j'étais en train de lui demander, il dit que c'est un vrai manger, je crois, il dit, mais tu n'es pas un païen. Je suis arrêté quand j'ai dit qui est un païen. Il prend la parole, il dit qu'il est un païen. Il dit, tu es un païen. Il est resté tranquille. Juste à ce que je suis allé dans la Bible encore, il lit là où j'ai crèche. Je veux que ceux qui demandent que qu'est-ce qu'on va manger, ils ont les païens. Ils déposent la Bible de côté comme ça. Un païen. Il a dit la ferme. C'était réglé. Il m'a encore appelé, c'était réglé. Quand on peut t'envoyer à l'école. Et justement, je me souviens de cette soirée, quand celui-là a vu cela, il a dit, c'est vrai que tu as l'onction là-bas, mais il faut être cadré. Donc, il faut qu'on me mette dans un cadre. Donc ça apparaît. Mm-hmm. Il bouge les pieds, on savait les deux. Il avait croisé les pieds, il avait la veste. Il dit, c'est vrai que tu as l'onction là. J'ai pas l'onction que tu as, mais j'ai le cadre que toi tu n'as pris. La cage. C'est toi qui dis la cage. Oui. C'est toi qui. Le cadre, c'est dans la cage. C'est toi, c'est là où tu voulais partir, non? Donc faites attention que le don que Dieu dépose en vous, que personne ne pervertisse là. C'est pour le service du Seigneur, pas pour le service des intérêts des uns et des autres. Les autres qui vont vouloir organiser, si c'était une campagne de guérison, ils vont faire des guérisons pour vous guérir, inscrivez-vous là-bas. Toi tu es là, tu portes la grâce de Dieu sur toi sans savoir ce qui se passe derrière ton dos. Les gens vont aller, vont dire, pourquoi on met les chaises ici, les chaises, on a lu les chaises à 500. Chacun paye 1000 francs pour continuer, ils vont dire c'est pour soutenir le ministère. Dis même que c'est pour le serviteur de Dieu qui a envie de venir. Fais des choses comme ça, tu viens, tu veux prier pour les gens sont guéris, tu rentres, on te donne ta parole, ton service, c'est pour toi qu'on te reçoit. Alors que c'est ce qu'ils ont pris aux gens qui sont malades. Frère, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Ne faisons jamais de telles choses. C'est la malédiction. C'est le B.A.B.A. que j'ai appris de la Bible ici. Ce que je vous dis, c'est que tout ce que je vous dis et que je vous apprends, c'est ici dedans que j'apprends. Voilà ma femme, non. Quand on venait de quoi, quand on partait quelque part, on va prier. On a prié un jour pour une fille, elle était comme ça, comme une sirène, brune là. De la plante, si ma femme vous raconte ça, vous allez comprendre. Je suis entré là, quand elle était couchée là, en train de causer avec sa famille, il dit que oui, madame, je suis venu, c'est vous. Il dit, lève-toi, lui. Tu as un problème. Elle était au sol, la Bible là, elle est devenue marron là-bas. Ma femme a fait que, Une belle femme comme ça, elle a quoi dit, c'est toi qui regarde qu'elle est belle, tu ne sais pas qui est là-bas. Waouh, wow, c'est quoi? C'est qui? Je suis Christian Dembe. Christian Dembe, il dit, retourne vers lui, Christian Dembe Nao. Présentant les choses. On sort là-bas, une fille, elle habite dans un appartement qu'elle paye, c'est 250 000. Jeune fille, la personne qui lui paye l'appartement l'a possédé. Oh, imaginez comment ça se passe. Belle! Elle sort l'argent pour lui donner. Il dit, non, il n'y a pas besoin. Ma femme, vous savez, dans sa tête, c'est ça, c'est quoi ça, le gars? Il compte même sur quoi? Alors quand il sort, il dit, c'est chéri, pendant que tu as 100 francs, tu veux acheter le tapis quand il boit. Je préfère ces 100 francs. Je préfère ces 100 francs que l'autre là. C'est pas que derrière cette enveloppe. Tu finis de prier chez quelqu'un de prier. Tu vois comment une maman dit, donne lui donner mon porte-monnaie là-bas. Le temps que tu sors là-bas, il dit, maman, on s'en va, on trace. Faites tout et tout, dégagez-vous-en. Ne faites pas que ça cale sur vous. Vous avez besoin de quelque chose à manger, demandez au Seigneur, il vous donnera. Il a dit dans cette Bible, c'est que quand vous avez besoin, il sait même de quoi vous avez besoin, avant qu'on ne lui demande. Demandez-lui que vous avez besoin de quoi, mettez au genou par terre, demandez-lui, il va faire. Il a dit, en fait, ceci va vous galvaniser même à avoir plus d'expérience avec le Seigneur, pour savoir qui, en qui vous avez cru, qui vous servait. Si vous comptez seulement sur les hommes, vous appuyez seulement sur les hommes, que l'homme va faire comme ça, l'homme va faire comme ça. Vous savez, ce qui va arriver, ce qui va arriver, Dieu va faire les choses. On est resté ici l'année passée, j'étais en train de prier là, monsieur Tourné, il dit à ma femme que voici un agent qui est venu de la France. Je suis en train de regarder ses 5 ans, ça vient de la France. Mais quand ça va venir, ce n'est pas pour nous. On m'a comme ça. Que c'est pas pour nous, comme on est dans le forum, ils disent ce n'est pas pour nous. Quand ça va venir de la France, c'est 5 ans, mais ce n'est pas pour nous. C'est pour la radio Bonne Nouvelle. C'est pour la radio Bonne Nouvelle. C'est ainsi parle le Seigneur. Nous, le Seigneur, okay, il veut voir. Elle prie. Dans sa tête, quand elle raconte sa part des choses, tu vas confirmer. Elle dit, elle prie comment que le Seigneur fait que ça vient 51 000. Que ça fait 51 000. Alors elle fait appel. Frère, oui, il y a quelque chose qui va envoyer là-bas. C'est Seigneur qui s'occupe de cela. Envoie-lui cela. C'est comme j'ai envoyé 5 ans, mais elle dit, wombo. C'est vous, là, de bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend, elle va prendre, on met dans l'enveloppe. Il va là-bas, il va m'asseoir. Pourquoi? Parce que je suis allé sur la chaîne chaque fois, je me suis assis, j'ai remarqué qu'il n'y a pas le casque. Personne n'a le casque au milieu du studio. Les grands pasteurs viennent là-bas, ceux qui prennent les livres sont là, ils viennent discuter, ils m'insultent, ils m'insultent. Je regarde, je me suis accueilli, Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est la bouche. C'est la bouche qui m'a laissé. Je n'ai pas d'argent. Pouvoir, ce pouvoir, je donne ici là. Alors quand il priait, il entend, c'est quand il arrive, c'est pour ce que tu as demandé là-bas. Alors je suis resté tranquille. Quand il finit, je suis allé voir le chef de chaîne. Il dit, frère, oui, parce que ce que le Seigneur a donné, c'est pour le casque. Quand il a vu comme ça, il a compté le son pour ce pont. Il est tombé dans la chambre, il dit, c'est pas croyable. Je dis, c'est quoi? Il dit que c'est hier qu'un technicien a appelé, il a demandé, c'est qu'il faut combien? Il a dit, c'est exactement la somme qui est dans l'enveloppe là. Il dit, oh, il ne sait pas ce qu'il en est, je suis c'est qu'un canal. Je suis venu dire à ma femme que tu as vu ce qui s'est passé. Un technicien l'a appelé hier, il demandait à un technicien que le nouveau casque de ce style-ci, ça se coûte combien? Il a donné exactement cette somme et c'est la somme avec laquelle je suis venu dans l'enveloppe. Vous voyez comment Dieu fait les choses, frère? Et cet argent-là vient, je vais donner comme ça. Il n'y a rien à la maison parce qu'il a reçu l'ordre que l'argent qui va venir, c'est pour là-bas. Ici, il me dit, l'argent qui va venir, c'est pour là-bas. On n'a rien assis à la maison à manger. Frère, si on n'a rien à manger, c'est qu'il a voulu que ça soit ainsi. Parce qu'il a dit qu'il s'occupe des oiseaux. Il s'occupe des oiseaux. J'essaie de vous donner mes exemples, mon style de vie pour que vous compreniez. Mon style de vie pour que vous compreniez. Il dit que tel qui va devenir, c'est comme ça. Quand quelqu'un veut souvent, il appelle au téléphone, il dit que frère, je donne. Ma femme sait. Elle veut dire d'abord que telle chose arrive. À telle période, telle chose arrive. Elle écrit là-dedans. Quand ça vient, quand tel frère appelle, il donne telle chose, il croit peut-être qu'il l'a fait lui-même. Il ne sait pas que notre père est Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Faites confiance au Père. Faites confiance au Père. D'accord, frère Jimmy? Faites confiance au Père. Si tu sors comme tu travailles le taxi, tu décides que tu sers le Seigneur, il décide de te donner les clients de 2 000 par course. Même 5 000, il va te donner. Mais si tu veux faire comme les autres, que le pomme 300, le pomme 300, il va faire les clients pour aller chez les païens. Tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas sur place, tu vas méditer bien pour lui. Brûler les pétroles là, de rentrer, en rentrant même encore le procès, tu prends le 200, même les 500 que tu as, tu donnes encore. Tu passes la route, tu rentres à la maison, tu vas pleurer. Quand tu es calme, là, tu dis, en fait, il voulait que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement. Mais les toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu, pourquoi tu restes à côté de ces paroles-ci? Pourquoi? Il peut donner tout au monde là par grâce comme ça, là, parce qu'il sait que sa fin, c'est la perdition. Mais pour toi, il te traite durement parce que tu as des grandes choses qui t'attendent. Donc il faut que tu sois digne d'avoir cela. Tu sais ça, frère? Ça va là. Ne pervertissez pas le don que Dieu vous donne. les pervertissez, mettez ça au service des uns et des autres. Ne faites pas les choses que les gens ont fait. Il faut que les fautes, comme je vous ai dit ici dans la première partie ou la deuxième partie, les fautes que les uns et les autres ont fait, nous servent d'exemple pour marcher devant le Seigneur, portant le flambeau, comme notre grand frère l'a dit, portant des flambeaux dans cette paroisse, dans un vase pur, défendant notre royaume, le royaume de notre Père, avec efficacité, par la vertu de sa force qui agit en nous. Soyons dignes d'être appelés les saints. Soyez dignes d'être appelés conducteurs, celui qui est devant pour amener les gens. Sachez où vous dirigez les gens que vous conduisez. Ne soyez en scandale à aucune personne que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour lui. Ne soyez en scandale des personnes. Si on dit des choses de vous, vous n'êtes pas obligé de réagir. C'est ce qui m'a appris la dernière fois-ci. Et je vais t'apprendre l'humilité. Il dit que humilité, frère. Oh, humilité. Oui. Première chose. Ne te sens pas obligé de répondre et de défendre lorsqu'on va mal parler de toi. C'est ça l'humilité aussi. Oui. C'est ça l'humilité aussi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Junior a fait ceci. C'est ça, c'est vrai ce qu'on t'accuse là, c'est vrai. Si quelqu'un pose la question, s'il est Dieu qui pose la question, il ne répondrait jamais, je ne répondrai plus jamais, même s'il y a n'importe quoi, même s'il y a n'importe quelle accusation, je ne répondrai plus jamais. Je resterai comme ça. Que chacun tire ses conclusions et tire la conclusion comme il doit tirer la conclusion. Il est temps qu'on écoute Dieu. Il est temps que vous écoutez Dieu véritablement. C'est-à-dire que si on dit quelque chose de tel, il a dit ne prends point d'accusation contre quelqu'un, sinon c'est la déposition de deux ou de trois témoins. Il a dit ça. Alors faites attention. Faites attention. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je fais comme ça, je vais demander au Seigneur si c'est vrai. Si c'est vrai ce qu'on a dit de dire de lui. Faites attention, soyez en communion avec le Seigneur. Dieu va vous parler. Quand vous êtes à la disposition, Dieu vous parle. Je vous ai dit, je suis d'accord, en tout cas, venez, si vous voulez faire quelque chose, quand j'ai entendu qu'il venait, si j'ai demandé à Dieu, ça n'a pas fait deux, une nuit, il m'a parlé, montré tout l'image de ce qu'il est venu faire et ce qu'il a fait. Si je venais lui dire que j'ai vu telle chose, la bougie de la chaise. Mais si Dieu a vraiment vu ça, c'est Dieu qui t'a montré parce que personne ici au Cameroun ne connaît. En fait, je suis venu ici pour annoncer cela. Il dit que c'est ça. Donc, faisons attention. Servons le Seigneur. Servons les gens que le Seigneur a mis sous notre garde. Comme la Bible dit, non comme dominant sur eux. Non pour un gain sordide, mais souvenez-vous, là on a commencé. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. C'est ce qu'il faut faire. D'accord, frère? Donc, continuons donc. Je crois que 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12, je vous ai donné cela dans la première partie, dans la deuxième partie, la troisième partie. Je vous ai donné cela, n'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12, je crois que c'est. Je vous ai donné ça en dernier lieu. Si ma mémoire est bonne. Vous avez eu plus en dernier lieu, n'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Regardez. Vous y avez moi. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Vous avez suivi cela? Donc, en tant que conducteur spirituel, ne vous comparez point à aucune personne, même pas à vous-même. Ne vous complaisez même pas à vous-même. Restez vous-même tel que le Seigneur vous a appelé. Regardez seulement à lui. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, un conducteur, il se compare par quoi? Je prêche plus que je suis. Hey, le frère, je n'ai pas trop de la connaissance. Hein. Seigneur, donne-moi la connaissance plus que lui. C'est pas lui qui fait. Les pasteurs qui m'ont vu, qui ne me connaissaient pas, ont imposé la main en prononçant cela, ne sachant pas ce qu'ils sont en train de faire. Les pasteurs qui m'ont vu pour la première fois, l'autre est venu vers moi, s'est avancé, il a mis la main sur ma tête. Il a dit, oh Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as. Donner la connaissance à ses frères. Je me suis tourné, regardez, j'ai dit, mais celui-ci, lui, me connaît où? Allez quelque part, là-bas, quelque part, vers le stade de la réunification, là-bas. 4 pasteurs sont venus vers moi. Oh Seigneur, merci parce que ces garçons, ces jeunes garçons, sont destinés à être étudiés dans cette nation. J'imagine que s'ils me présentent devant eux maintenant, ils savent voir ce que je prêche, ils seront le premier à me persécuter. L'autre est venu dire, frère, Dieu t'a appelé, le manteau qu'il a mis sur toi, les personnes ne résisteront. Même les pasteurs vont lutter contre toi, ils ne pourront pas. J'ai dit, ah, il ne sait pas de quoi il parle. Ces personnes vont venir aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont prophétisé, oubliant ce qu'ils ont dit de leur propre bouche, faisant cette même chose-là et allant contre leur propre prophétie, luttant contre le même Dieu qu'ils ont prophétisé par lequel Dieu ils ont prophétisé. Vous savez, c'est ce que Saül faisait. quand l'Esprit de Dieu venait, je dis, oh, mon fils David, périsse tes ennemis. Que tes ennemis périssent. Que ce qui en Dieu attendait, que c'est eux qui descendent dans la fosse David. Oh, mon fils David, c'est toi. Et, ouais, mais qui veut même te tuer? Ouais. Comment faire? C'est comme lui qui prophétisait, non? Après, il parle au palais, il faut que l'esprit qui donne. Hey David! Jonathan, il est où? On a dit que l'eau. Allez David! Poursuivez David! La même personne qui a dit tout à l'heure que David périsse ses ennemis. Que ceux qui te cherchent meurent. Il déploie tous les soldats pour le chercher. Quand il arrive, David dit qu'est-ce qui a été fait pour que Dieu s'ajoute en tout temps. Ouais, David, tu as de la compassion pour moi. Ouais, David, qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens dans le château. Rien ne t'arrivera, tu comprends, oui. Et quand l'esprit va, ah, il prend le couteau. Ah, donc fais attention aux hommes, frère. Fais attention aux hommes. La personne qui te dit, béni soit l'Éternel qui t'a envoyé, il va dire demain, crucifie-le. Faites attention aux hommes. Faites attention. La Bible déclare que le Seigneur qui savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc lui, il sait ce qui est en nous là. Tu dis à quelqu'un que, oh frère, tu es bon, tu m'as fait du bien. Il dit, oh, gloire au Seigneur. Tu dis, frère, ce que tu me dis là m'énerve. Lui, il dit que ta tête même m'énerve moi aussi. Pourquoi? Parce que la chair aime l'appréciation. Mais dans l'esprit, ce n'est pas ça. La Bible déclare que celui qui aime la réprimande peut se corriger. Et celui qui n'aime pas la réprimande court à sa perte. Vous voyez? On avance ici, j'ai donné encore un corrigé quelque chose. Il est donné 2 Corinthiens, comme au chapitre 12 là. Allons chapitre 11 d'abord, verset 22 à 32. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 22 à 32. Donc verset 22 jusqu'à l'avant-dernier. Sont-ils hébreux? L'apôtre Paul en train de parler donc de tous ces gens qui se complaisaient en disant qu'ils sont apôtres en voulant se vanter par rapport au ministère. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Donc il veut dire, pour rapport à ceux qui sont des juifs, je suis, frère, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 22. Voilà. Sont-ils ministres de Christ? Regardez le thème. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Vous avez l'apôtre Paul. Vous lisez la Bible, vous comprenez l'humilité qui était dans ses paroles, mais il connaissait exactement sa position. Il connaissait qui il était. Il dit, ils sont ministres de Christ, je le suis plus encore. Vous entendez ce qu'il veut dire là, frère? Par les travaux. Vous avez vu? Je suis plus encore. 2 points. Voici comment est le ministre de Dieu, le plus encore. Souvenez-vous de ce que j'avais dit ici. Si vous prenez Matthieu chapitre 20, quand on a lu Matthieu chapitre 20, verset 20 à 28, le dernier verset dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit votre servi, votre esclave. C'est ce qu'il a dit. Alors remarquez, je vous ai dit que si vous prenez cela, vous regardez à l'intérieur, vous allez voir effectivement que l'apôtre Paul l'a vécu. Remarquez, sont-ils plus, son ministre décrit, je le suis plus encore. 2 points, par des travaux, bien plus. Par des coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, frère? Il faisait ceci. Le salaire de ce travail, c'était quoi? L'institution. Voilà. 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. Donc, eux tapaient 40 coups moins 1. C'est Dieu qui avait ordonné cela dans le livre de Deutéronome 25:3. Il ne faut pas que tu tapes ton frère, c'est parce que tu as peur qu'il meure. Les mondains n'ont pas de restriction de frappement. Donc, si tu veux te frapper, il peut frapper jusqu'à la mort. Donc, pour lui, c'était 40 coups moins. Voilà. Donc, souvenez-vous que si on vous trappe, alors vous allez aller annoncer quelque part, vous allez voir quelqu'un va dire c'est toi qui as détruit mon enfant. Prendre la matière au sol comme ça. Tu vas voir qu'il est en train de blaguer. Tu vas voir qu'un du thème, une main en train de faire au sol comme ça qu'on a coupé. Ah, je crois que c'est toi qui as. Frère Anno, c'est toi qui annonce, nous annoncer la dernière fois que vous êtes allé annoncer. C'était toi? C'est toi qui nous disais que tu allais annoncer. Quand tu termines le jour, on a fait vous couper dans une maison. Raconte-nous comment ça s'est passé. Quand tu étais témoin de Jéhovah. En fait, c'était mes compagnons. Oui. Ils sont arrivés chez un monsieur. Parce que le monsieur devait être pentecôtiste. Oui. Ils sont arrivés. Ils ont salué le monsieur. Monsieur l'a bien appelé. Ils m'ont assis. Ils sont assis. Que nous vous donnons. L'honneur de votre visite. Ils sont présentés. Ils en ont retiré avec eux. Ce pourquoi nous sommes là, on va voir ce qu'il y a dans la Bible. On leur a demandé s'il avait une Bible. Il l'a apporté. Il a donc ouvert. Les frères ont demandé de l'ouvrir en Matthieu. Quand vous allez être en Matthieu 24. Si vous faites qui. Le passage stipulait qu'il fallait. Vous faites cette bonne nouvelle devait être prêchée. À toute la terre. Voilà, que je crois, c'est pour ça qu'ils sont là. Monsieur, il a dit que bon, donc c'est pour ça que vous êtes dans là. Il a dit attendez-moi. il a entré. Ouais. Il prend sa main dans la tête. Il sort heureusement, Et il croit qu'il blaguait. Il croit qu'il blaguait. Il dit que mettez-vous dehors. En disant mettez-vous dehors, il dit qu'il a mis ça, il a tourné le côté. Il a mis ça sur la paix et fait de l'autre. Bam! Il est sorti, mon frère. Il a poussé juste dans la rigole, sur le niveau de la rigole, c'est un risque en blessé. Il a donc il a rattrapé la voix. Il a fendu. Là, il a coupé. Coupé, il a dit plus jamais. Il vous voit encore ici. Plus jamais. Quand il a raconté ça, qu'est-ce que tu pensais? Moi, j'étais dans le lot des personnes qui se chemaient dans le coin. Tu as compris pour éviter la zone là. C'était un peu. Depuis, il m'a fait me. Bon, et là maintenant, au niveau de l'Assemblée des témoins de Jéhovah, on a dit qu'il souffre comme ça pour Christ, non? Il souffre comme ça pour Jéhovah, pas pour Christ. Tu as remarqué ça, la différence maintenant, non? Parce qu'ils sont témoins de Jéhovah, ils ne sont pas chrétiens. C'est témoins de Jéhovah. Parce qu'ils se présentent comme étant les témoins de Jéhovah. Jésus a dit qu'il n'y a pas un autre nom. On a dit qu'il n'y a pas un autre nom sur le ciel, sur la bannière, sur lequel on va marcher. Il a dit qu'on doit se réunir au nom du Seigneur Jésus. C'est pas au nom d'un autre nom. Donc, ils font autre chose. Maintenant, cette personne souffre comme ça, il a la blessure comme ça, c'est gratuit. C'est juste qu'il combat la vérité, dit que yes. Donc, j'ai souffert ici gratuitement. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que l'apôtre Paul a frappé 40 ou moins 1. Attendez-vous, vous avez vu pour eux, non? Attendez-vous. Tu vas faire, waouh, on fait khan. Tu crois que c'est la blague qu'il est en train de faire. Tu tends la main comme ça, en voyant que ta main est en train de bouger de l'autre côté. Comme ça, donc, tu vois que le sang est en train de couler ici. Tu dis, waouh, on m'a coupé la main, on m'a coupé la main. C'est le prix à payer. Souvenez-vous, il a dit que c'est préférable qu'on entre manchot. Donc, il pourrait qu'on te coupe la main. Avançons ici. Ils sont de vouloir montrer maintenant les choses qui peuvent arriver au conducteur. C'est vrai. Verset 24. Cinq fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. Trois fois j'ai été battu des verges. Une fois j'ai été lapidé. Va donner. Et quelqu'un vient là, il vient demander qu'on lui mette à place à la droite de Dieu, quoi qu'on entre là-bas comme ça. Trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Vous avez vu ça, frère? C'est terrible. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. Vous avez vu? C'est le plus mauvais ici. L'autre ici. Le faux frère, c'est quelqu'un que tu considères comme étant le tien et que plus tard il te poignarde le dos. Ça, c'est le plus, ce qui fait beaucoup mal. Verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Vous avez vu cela? À de nombreuses veilles. À la faim et à la soif. À des jeunes quoi? Soulignez ça. Voilà les délices qu'a subi notre grand frère. Voilà donc celui qui a dit que soyez mes imitateurs. Tu as entendu ça, frère Arnaud? Tu veux être l'imitateur de l'apôtre Paul? Amen. Exposé à de nombreux veilles, à la faim et à la soif. Vous voyez, nos prédicateurs d'aujourd'hui, c'est quoi? 21e siècle. Tu ne dois pas souffrir. Christ a payé pour l'abondance. Il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Eux qui ont compris ça aujourd'hui, l'apôtre Paul qui travaille avec lui, n'ont pas compris. Eux qui ont reçu l'enseignement aujourd'hui, que l'abondance dont Dieu parlait, c'était beaucoup de matériel. Et vous voyez comment ça a aveuglé. Faites attention aux biens matériels. Faites attention à ce que la mondanité ne vous aveugle pas. Faites attention à ce que l'esprit prophétisé sur l'Odyssée, l'esprit féminin et l'esprit de l'argent et de la richesse ne vous aveugle. D'accord, frère? À la faim et à la soif, à des jeunes multipliés, au froid et à la nudité. Vous avez vu cela? C'est un prédicateur par excellence ici. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les... Frère, vous pouvez savoir quelqu'un cet homme servait. Vous avez vu ce verset 28? Oh frère, souvent quand je suis devant mon lit là, je dépose ma Bible, je regarde ça comme ça. Je me couche là, je dis, oh père, je commence à comprendre que si Dieu veut me faire du mal. Il vous le dit. Il veut me faire du mal parce que donner le cœur pour l'église à quelqu'un, c'est un problème qu'il a cherché sur la tête de la personne. Vous comprenez les responsabilités. Il dit qu'il est assiégé. Remarquez au chapitre 1 de Corinthiens, il va dire que j'ai appris par les gens de Chloé. Que l'un dit ceci, imaginez comment il va avoir. Dans 2 Corinthiens, on dit que de peur, il dit que ces gens qui sont venus, les apôtres là, sont les faux apôtres de Christ. Regarde comment il est obligé de régler. Entre temps, il faut régler le problème des dons spirituels. Entre temps, il faut régler le problème du péché dans les milieux de l'église. Tournez vers les galaxies, il faut écrire là-bas. Hop, Thessaloniciens, il faut écrire. Il dit qu'il prie pendant, entre temps, il a des prières que Dieu donne la grâce de l'un là-bas. Il dit qu'il allait voulu aller même trois fois Satan à empêcher. Imaginez comment est la vie de cet homme-ci. Cet homme, ça avait une vie privée. Il dit qu'il suis assiégé chaque jour. Il dit que sans parler d'autres choses. Je suis assis chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et on a deux personnes, on ne peut même pas gérer. Faites attention, conducteur. Faites attention de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Faites attention. D'accord, frère? Faisons attention. Si les gens sont en train de s'amuser, dites-leur, comme il a dit à l'apôtre Timothée, que ici c'est la colonne et l'appui de la vérité. Dites aux gens que ça ne se conteste pas en milieu des apôtres et en milieu des chrétiens. On ne conteste pas. Donnez ce qui est droit, parce que c'est l'ordre du Seigneur. Donnez les préceptes du Seigneur comme étant les préceptes du Seigneur. Ne donnez pas votre avis en disant que moi je pense, que ne pensez pas. Dieu a tout pensé, il a donné tout ce qui est écrit là-bas. Quand on a tout pensé, on a dit que dispense ces choses, enseigne-les. Quand en le faisant, vous serez un bon ministre de Dieu. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas donné libre cours ici en donnant nos propres pensées. On a déjà mis par écrit une fois pour tout ce qu'on doit enseigner. C'est ce qui est écrit. Donc faisons cela. Faisons cela. S'il y a des gens qui sont en train de jouer, dites cela aux gens clairement que l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le lieu de théâtre et des jeux. Ce n'est pas un terrain de jeux. C'est une œuvre spirituelle, c'est un corps mystique, un corps spirituel dont la tête se trouve dans les cieux. C'est le commandeur en chef de tout l'univers dont il est question. Et c'est lui dont on sert. Donc il faut faire attention avec lui pour que les gens ne viennent pas. Soyez rigoureux. Soyez donc avec toute votre autorité. Répétez de votre autorité pour vous tenir et tenir derrière la parole. Dieu va vous soutenir. C'est compris, frère? Il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. On ne peut pas savoir quand je lis les lettres de cet homme-ci. Souvent, je le lis, j'ai l'impression que j'entends ma voix parler. Souvent, je lis, j'ai l'impression que c'est une lettre que j'ai écrite. Je ne sais pas comment ça arrive, je ne sais pas comment ça arrive. Je lis, tout simplement comme je suis en train de lire devant vous. Et puis, mon cœur fait un genre. Je ne sais pas si votre cœur aussi fait un genre, puisque cela fait un genre aussi. Il dit, verset 31, Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Donc, Dieu qui est au ciel sait l'état de son cœur quand il s'ouvre en tant que l'église s'ouvre. Vous entendez le pasteur, on fait ceci. Vous entendez? Je prends un seul exemple que je suis d'exposer depuis plusieurs années maintenant. Frère, acte des apôtres dit que les apôtres marchaient par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare en Jean 14, 12 que celui qui croit à moi fera les œuvres que je fais, fera le plus grand. La Bible déclare dans Hébreux 2, 4 que le Seigneur a appuyé le témoignage par des paroles, des prodiges et des miracles divins et des guérisons envoyés par le Saint-Esprit. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la domination. La Bible déclare que cette puissance qu'il a restée jusqu'à avec, Dieu l'a déployée en nous. C'est en nous, agit en nous qui croyons. La Bible déclare toutes ces choses-là. Mais frère, la réalité, c'est que nous ne voyons pas cela. N'est-ce pas, frère? Cette réalité, si vous ne savez pas comment, ça me peine de puer. L'Église ne marche pas dans la réalité de la victoire et de la puissance de la résurrection. C'est suffisant pour qu'on en pleure chaque fois. C'est suffisant pour qu'on en pleure. C'est suffisant pour qu'on en pleure parce que ça fait le temps que les chrétiens sont les plus risés. Par rapport à la risée, c'est une chose. Mais qu'il y ait des témoignages vivants de la manifestation du grand Dieu et sauveur Jésus-Christ, c'est une autre chose. Alors c'est ça qui va donner la joie effectivement aux chrétiens pour montrer qu'il est au milieu d'eux malgré les moqueries. Puisque quand il faut comme ça, on dit, voilà ton Dieu, prouve. Tu ne peux même rien, tu sais que tu rentres alors les interrogations se passent à l'intérieur. Quand les interrogations se passent à l'intérieur, ça va amener quoi? Le doute. Satan va te mettre à l'esprit. Tu penses donc que c'est vrai. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu es conducteur. Tu dis que Dieu est avec toi. Pourquoi on ne se manifeste pas comme ça? Alors Dieu nous a donné les vrais problèmes. Les vrais problèmes se trouvent en nous-mêmes. Il nous a donné les vrais problèmes. Les vrais problèmes se trouvent en nous-mêmes. Donc il faut résoudre ces problèmes. Quand ces problèmes seront résolus, il va se manifester comme il a promis. Il a dit, aide donc du zèle et repente. Donc il n'y a pas deux façons. Il faut se repentir. Parce que l'aveuglement est entré. On est entré. Les choses sont entrées. On a toléré ça entré. Il faut se repentir de ces choses. Quand le nettoyeur sera là, il dit, j'ai soupiré avec lui et lui avec moi. C'est quoi souper, frère? Si on reste quand on a soupé, donc la nourriture du soir. Quand on reste, on marche sur la table, on a de manger, on est en communion. Si on est en communion, ça veut dire qu'on peut avoir le secret du cœur du Seigneur par rapport à cette heure-ci. Et faire donc ce qu'il veut que nous fassions. D'accord, frère? On aura un dîner en tête à tête. Dieu veut comme ça dit. Verset 32, à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damasciens, des Damascéniens, pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Vous avez vu comment un apôtre fut? Aujourd'hui, nos apôtres, on les garde du corps. D'autres, on les garde du corps jusqu'à ce que d'autres aient même les oreillettes comme ça où on communique à partir de ça. Il y a une caméra qui contrôle. Si quelqu'un est bougeant, on dit que tel mec t'est tué. C'est même le représentant de Pierre aujourd'hui, il a mis sa papa mobile où il s'est blindé. Il faut qu'on dise, ça n'entre pas. Il regarde quoi avec son armée, son drapeau. Voilà, celui-ci fuit seulement dans les corbeilles. Il est entré dans le champ, il a mis le mara comme ça dans la nuit. De toute façon, le trappé devait confirmer. Vous voyez ça, frère? Vous voyez ça? Chapitre 12 maintenant, je crois. Verset 12, puis verset 14 et 15. C'est ce que je vous ai donné, non? Chapitre 12, verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Vous avez vu ça, frère? Par des signes, des prodiges et des miracles. Vous avez vu? Je suis apôtre. Vous dites, vous êtes apôtre. Il faut les preuves. Vous avez vu ça, frère? Je suis apôtre. Il faut quoi? Des preuves. Il dit les preuves de mon apostolat. De fait que pour certifier que apostolat, ça veut dire que c'est lequel Dieu a envoyé. Les preuves que c'est Dieu qui m'a envoyé, ça se passe au milieu de vous. Vous avez vu ça au milieu de vous. Ça a éclaté au milieu de vous. Et si vous lisez le livre d'Actes des Apôtres, vous allez remarquer qu'il va passer un an et demi à Corinthe. Quand on va vouloir le frapper, Dieu va dire que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il a duré plus d'un mois et demi là-bas à enseigner les Corinthiens. Quand il va leur écrire maintenant au chapitre 1 de ces 1 Corinthiens, il va leur déterrer que vous, dans la tente, vous avez le Seigneur qui ne vous manque aucun don. En quittant là-bas, il avait été informé des disciples parce qu'il savait que les dons spirituels étaient là. C'est pour ça qu'en partant, il savait qu'il y avait des dons spirituels. Au retour, il entend dire plutôt que les gens utilisent ça en dégradant le désordre. Il leur écrit maintenant pour leur dire. Ils avaient tout. Les Corinthiens avaient tous le complexe que l'Église pouvait avoir en tant que don spirituel. Ici, il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Oui, il a été éprouvé à Corinthe, éprouvé de toutes sortes, accablé. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Reste dans la ville, ils ne te feront pas la main, ils ne te mettront pas la main dessus, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc les personnes qui te persécutent comme ça, Dieu va traiter dans leur cœur, parce que certains qui sont destinés vont croire. On te tape, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Que reste là, j'ai un peuple nombreux. Ils devaient fendre leur partie. Un an. Les juifs se mettent là-bas, ils ne fuient pas par là-bas, parce que Dieu lui a demandé de rester. Vous comprenez pourquoi? Il faut écouter la voix du Seigneur. Vous avez intérêt. Un jour, il part à Jérusalem, il reste dans le temple. Il se coiffe, il croit peut-être que, ok, comment on va me reconnaître? On dit que, comme ce sont ses anciens camarades, ils vont dire que, Paul, dis-nous la nouvelle doctrine, là, tu crois quoi maintenant pour qu'on croit ensemble? Le Seigneur dit, lève-toi, quitte la ville. Il ne recevra pas le traitement. Il dit, mais Seigneur, il savait comment il vivait, s'ils vont recevoir, il savait qu'il était persécuté. Donc, s'il parle évidemment, ils vont croire. Dieu connaît mieux le cœur des uns et des autres. À Corinthe, il dit, reste là-bas, j'ai des peuples nombreux. À Jérusalem, qui est sa propre ville, il dit, quitte là-bas. N'est-ce pas Dieu faisant toutes choses, frère? Verset 14 et 15. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Vous avez vu ça? Verset 14 du chapitre 12. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je recherche. C'est quoi? Vous entendez ça? Donc, travaillez avec les brebis du Seigneur comme un trophée que vous allez présenter plus tard à Dieu. Ça dit, c'est des êtres que cette soeur, ces frères étaient dans cette situation. Tu vas devant la situation, avec la situation devant Dieu. Oh Seigneur, telle soeur, tel frère m'a posé tel problème. Aide-moi. Seigneur, aide ses frères. Aide. Dieu donne la solution. Tu restes tranquille, tu t'enorgueilles pas. Tu restes tranquille, tu sais que la solution est résolue. Quand la solution est donnée, la personne est fortifiée. Ça donne à la personne de s'accrocher au Seigneur. La personne grandit au fur et à mesure. La personne aura son témoignage dans le ciel. La personne aura son témoignage devant les hommes. J'étais comme ça, Dieu m'a délivré ainsi de suite. Mais il sera parce que tu as fait en secret. Tu vois ça, frère? Si tu pries, par exemple, vous êtes deux. Tu pries, oh Dieu, telle personne m'a posé tes problèmes. Tu dis, oh Seigneur, fais guérir cette personne ou bien touche cette personne ou résoudre son problème. Ce n'est pas toujours absolument nécessaire que Dieu passera toujours par toi pour résoudre. À supposer qu'une personne dans l'assemblée, le frère, s'il vient, il se tient là-bas. Le Saint-Esprit le dit, mais cette personne dit que tu as tel problème. Ainsi parle le Seigneur, c'est terminé aujourd'hui. N'est-ce pas ce que tu demandais comme résolution? N'est-ce pas Dieu l'a fait? Alors tu ne dois pas dire, Seigneur, pourquoi tu es passé par le frère là pour résoudre le problème? N'est-ce pas ses brebis à lui? Alors il peut résoudre comme il le veut. Si la personne dit, oh frère, est-ce que vous savez, je vais donner mon témoignage. En sortant l'autre, je suis allé dans le taxi, j'ai vu un frère dans le taxi, il parlait d'une chose, il ne savait pas que c'était mon problème qu'il avait posé ici. Il a parlé de ces choses-là. Il a dit, ma soeur, je ne sais pas pourquoi il s'en est de parler. Dieu a dit que ton problème est résolu. Et je suis rentré à la maison, il veut que le problème est résolu. Tu n'as pas dit que. Tu n'as pas été fâché parce que ce n'est pas quelqu'un de l'assemblée qui l'a fait. Parce que Dieu est souverain. Il lui a plus de fesse. Parce que ton désir était que son problème soit résolu. Et c'est résolu. Tu rends grâce au Seigneur. Parce qu'il a répondu à ta prière. pas qu'il est passé nécessairement par toi pour le faire. Nous sommes d'accord, conducteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, verset suivant, il dit, c'est vous-même que je cherche. Vous avez vu, ce n'est pas le bien de la personne. Mais aujourd'hui, c'est ce que les pasteurs veulent, c'est quand ils identifient que telle personne travaille à tel endroit, ils te donnent un poste directement pour t'avoir là-bas. Après, ils commencent à dire que vous qui êtes les conducteurs, ici, vous êtes les dirigeants, ils appellent ça les ouvriers. Il faut que vous contribuiez d'abord pour encourager aussi les autres à faire. Parce que quand ils vont vous mettre l'enveloppe, eux-mêmes vont mettre la main. Mais vous d'autres qui vous êtes ici, vous ne contribuez pas, comment eux vont faire? Ce n'est pas ça, frère. La manipulation. Ne faisons pas ces choses-là. Ne le faisons pas. Ne faites pas que ces choses-ci s'attachent à vous. Ne cherchez pas les gens pour les, mais cherchez-les pour le Seigneur. Verset 15, enfin. Non, ce n'est pas fini là. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. C'est l'un des versets de la Bible que j'aime. Donc ne vous attendez pas que les gens vous comprennent, que vous allez diriger, que vous comprennent. Comprenez-les. Un peu comme un parent avec son enfant à la maison. L'enfant peut faire les bêtises. Il est normal, c'est l'enfant. Mais toi qui es mature, tu ne dois pas faire comme eux, comme les enfants. Parce que si vous commettez les mêmes fautes devant les gens, si on veut vous gronder, ta part sera grave. N'est-ce pas, frère? Il dit, ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents. Donc ce n'est pas les parents qui succèdent les enfants. Mais notre génération, même physiquement, c'est les parents maintenant qui succèdent les enfants. Tu entends un père, il pleure, il dit, voilà la maison que mon fils a laissée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas dans les normes, n'est-ce pas, frère? Les parents doivent partir normalement avant les enfants. Donc, ainsi, les parents amassent pour laisser aux enfants, pour que les enfants puissent continuer et perpétuer. Verset 15, pour moi, je dépenserai très volontiers. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous avez vu ça? Oui. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour souligner, frère. Vous avez vu? Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dus-je en vous aimant davantage être moins aimé de vous. Il dit, je vais dépenser pour vos âmes, même davantage. Même si, il veut dire, même si en vous aimant comme ça, vous me détestez, je vais quand même vous aimer. Vous entendez un peu ça, frère? Aujourd'hui, c'est le dictatorialisme. On dit, sache que c'est ton père spirituel, tu n'as pas dit n'importe quoi. Sache que c'est moi qui t'ai engendré. Il faut donner ta dîme, même si tu es n'importe où, envoie ton dîme par Esprit d'Union. Ne faites pas de tes choses. Ne faites pas de tes choses. Dépensez. Tout ce que vous allez dépenser comme subsistance pour le Seigneur, ça ne perdra jamais. Vous ne perdrez jamais cela. En fait, vous faites comme ça pour votre propre destinée. Comprenez cela comme un devoir, comme une obligation que vous devez faire, comme un appel du Seigneur à le faire. Faites-le avec amour, pour l'amour de son nom. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, l'apôtre Paul dit, il dit, Dieu ne peut pas oublier l'amour que vous avez porté pour son nom. Comme vous avez eu à donner au Saint et continue à toujours à donner. Tu as vu? En rendant le service au Saint comme ça, et vous rendez encore au Saint, c'est par l'amour pour son nom. Vous avez vu? Il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. Donc, ce n'est pas perdu. Ne dites pas que telle maman, si elle lui donne l'argent chaque fois, elle dérange. Ne faites pas cela. Souvenez-vous que chaque chose que vous allez murmurer contre un enfant du Seigneur, c'est au Seigneur lui-même que vous avez fait cela. Et donc comme ça, ne regardez pas comme étant un problème qu'un frère vient vous soumettre un problème. Ne regardez pas cela comme un problème. Parce que s'il ne vient pas te soumettre, à qui devrait-il donc aller soumettre? Il ne doit pas aller chez le monde. Parce que chez le monde, on se moque de nous en disant, où est votre Dieu? N'est-ce pas ça, frère? Nous devons être des revenus pour ouvrir, pour que la fontaine puisse couler l'eau. Pas vrai, frère? Pour les autres. Soyons des canaux de bénédiction pour les autres. Ouvrons nos entrailles. Quand nous avons le nécessaire, donnons. Il y a des gens qui me rencontrent comme ça souvent. J'ai mes 2000 francs qui restent. Il dit, oh frère, je n'ai pas de problème. Je sors les deux, mais je lui donne. Il n'est pas au courant des problèmes qu'il traverse. Je ne suis pas là pour exposer les problèmes qu'il traverse. Parce que je sais que la personne qui m'a appelé, s'il veut que le problème subsiste, même si tu essaies de résoudre n'importe comment, tu ne peux pas résoudre. S'il veut que ça résoudre, ça va se résoudre. Alors s'il commence à dire, il me reste seulement les 2000, il va faire comment? C'est toi qui as fait que les 2000 là viennent. Faisons attention, faisons confiance au Seigneur. Il a dit que même s'il doit dépenser, c'est pour vos âmes. Vous avez vu? Pour vos âmes. Il fait son but, c'est quoi? L'âme des chrétiens, que les gens soient bien restaurés. Il dit que même si en vous aimant, être aussi moins aimé de vous. Parce que les Corinthiens disaient que non, nous ne sommes pas des pauvres. L'autre c'est ici, l'autre c'est ici. Parce que d'autres plusieurs disciples passaient par là-bas. Comme c'était une zone où il y a le port où le bateau venait, chacun dit non, nous sommes maintenant des groupes de pauvres. Non, c'est pas comme ça se passe. Même si vous avez 10 000 mètres, c'est moi qui vous ai engendré. Parce qu'à Éphèse, celui qui avait allé là-bas, dans le contrôle où personne n'avait été annoncé Christ, il a annoncé la semée là. L'autre fois, ils sont venus arroser. Donc, il a en droit de demander leur état de santé spirituelle. Ces choses sont écrites dans la Bible pour nous montrer que l'être humain normal n'aime pas qu'on contrôle. Il n'aime pas qu'on le contrôle. Tu poses la question, comment tu vas? Tu as dormi où? Il dit, mais tu es la police. On t'a envoyé derrière moi. Oh, veillez les uns sur les autres. Quand on est à chrétien, maintenant, ça change la donnée. Donc, mon frère a le devoir de me poser la question, avec qui tu étais frère? Parce que s'il veut regarder, si ils sont échoués, qu'ils me disent, je ne dois pas faire ces choses-là, étant dans ses droits. N'est-ce pas? Et que je ne dois pas considérer ça comme étant l'enquête des moralités, ou bien des persécutions morales, ou bien qu'ils me suivaient comme si c'était la thèse. Frère, je me suis fatigué. Comme s'il était. Ça fait combien de temps on a fait? Ça fait plus de 3 heures qu'on est là, c'est ça? Un flash. Amen. Et 17 et moins 10. Gloire au Seigneur, n'est-ce pas? On continue. On a aussi donné aujourd'hui 1 Corinthiens. On a fini là-bas, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 4. C'est tout dans les mêmes auspices. 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 1 à 6, puis verset 9 à 14. Je vais donner ça aujourd'hui, non? Ainsi, qu'on nous regarde comme des. Nous sommes au verset 1. Vous êtes avec moi là, frère. Ainsi, qu'on nous regarde comme des. Serviteurs de Christ. Et des. Dispensateurs de mystère de Dieu. Vous avez vu le rôle, n'est-ce pas? Vous avez vu ça, frère? Vous êtes serviteurs de Christ. Il y a des mystères de Dieu à dispenser. Ça, c'est un. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé. Je crois qu'on avait vu ça dans la Matthieu, n'est-ce pas? Trouver que les deux cartes que je vous ai dit dans une partie là, vous notez ceci et gardez cela, un et deux. Vous avez trouvé ce pourquoi Dieu vous a fait et vous attelez à réaliser ce que Dieu vous a demandé de faire dans ce cadre là. Verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Vous avez vu cela? Ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas moi non plus, moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Vous avez vu le conducteur? Ah, maintenant, je viens de lire et comprendre pourquoi le Saint-Esprit me disait l'humilité, que ne te défend pas. Vous voyez, ça c'est écrit là. Maintenant, verset 5. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Vous avez vu ça? Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de toutes ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous avez vu? Donc notez ça. Ce verset-là, en tant que conducteur, vous n'allez pas aller au-delà de la Bible. Il ne vous est pas permis d'aller au-delà de la Bible. Ça doit être l'Écriture. Ça doit être l'Écriture. Et que nul de vous ne conçoive l'orgueil en faveur l'un contre l'autre. Vous avez vu, on a vu cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Verset 7, car j'ai dit non, j'ai dit jusqu'au verset 6, puis le verset 9 maintenant à 14, c'est ça, non? Oui. Voilà. Il dit, car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, frère? Donc, si un de ces jours, vous entendez, il vous dit que vous êtes apôtre, venez d'abord dans 1 Corinthiens 4, 9, pour voir ce que ça veut dire. L'apôtre, au sens du 21e siècle, veut dire que tu es le plus grand devant les gens. Il dit que Dieu les a fait les ok. Des condamnés en quelque sorte. Tu as vu les apôtres, non? C'est les apôtres. Et les apôtres aussi, aujourd'hui, ils ont des magistrats, des juges dans leur assemblée. Tu tentes tes sorts des textes de la Constitution avec les codes pénales camerounais. Ils te défendent ça comme ça, tu confirmes. Tu viens le porter pour demain, ils t'envoient en prison. Mais les apôtres de la Bible sont des condamnés à mort. Il dit, puisque nous avons acté en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Vous avez vu? On les a trimballés partout. Satan dit que c'est un apôtre. Dieu les traite comme ça. pour que vous compreniez que la place qui va être assise là-bas en haut, plus tard, quand vous allez voir quelqu'un, l'apôtre Paul, assis à la droite, que tu comprends pourquoi il est là. Vous comprenez ça, frère? 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Vous entendez ça? Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Oh, mais c'est pas frais, c'est pas terrible ça. Jusqu'à cette heure, nous souffrons. Là, là, nous sommes errants. Vous avez vu les gens qui ont le Saint-Esprit, non? Voilà la vie. Et Jésus avait promis que ceux qui sont nés de l'Esprit, c'est comme ça. Le vent, vous avez vu le vent arrêter habiter quelque part. Le vent va comment? Ça et là. Voilà. Voilà les apôtres, errants, ça et là. Tu entends l'apôtre, oui, il a construit sa grande maison, le diplôme, c'est pour l'apôtre. Dieu l'a béni, hein. Vous voyez la gloire de Dieu dans sa vie, il a le jet privé. L'apôtre Jimmy, il a maintenant le Hummer. Non, il conduit deux Rolls Royce. Voilà les apôtres de cette époque-ci. Et voici donc ce que l'apôtre de la Bible lui dit. Verset 11. Non, je l'ai lu cela. Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres injuriés. Nous persécutés. Vous avez vu ce qu'il écrit, frère? Donc, en aucun prétexte, sous aucun prétexte, les gens vous font n'importe quoi, ne rendrez jamais. Jamais. Ne vous plaignez jamais. La Bible va même plus en disant, heureux ceux qui ont supporté avec patience les tentations et les épreuves, n'est-ce pas? Verset 13. Calomnier, nous parlons avec. Ok. Vous dites, quelqu'un a dit, oh, frère, je n'ai pas fait comme ça. Frère, je n'ai pas fait comme ça. Ok. Moi aussi, je dis, ok, je regarde aussi ses défauts. Moi aussi, je vais. Elle-même, elle a aussi fait comme ça. Cette personne a aussi fait comme ça. Ça serait bien ça, frère. C'est quelqu'un de calomnier. Parle avec bonté de la personne. C'est ce que la Bible nous enseigne. Voilà la marque des vrais conducteurs. On ne t'expose pas parce qu'on a exposé par exemple quelque chose. Vous savez, quand l'autre a fait les trucs sur mon mariage en disant, parlant de ma femme et autres là-bas, j'ai seulement dit, oh Seigneur, aie pitié de lui. Bon, c'est même pas le moment d'en parler. C'est trop parler de moi là, n'est-ce pas, frère? Oui, frère, vous donnez la science, c'est mon frère là-bas. Calomnieux, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde. Et je vous le dis, des choses vous arrivent. Je dis, il y a des gens qui se disent croyants. Que si quelque chose vous arrive, ils vont aller maintenant dire, on vous avait dit non. Voilà, voilà la preuve qui montre qu'il n'est pas vrai. Parce que des choses de ce monde aussi bizarres vous arrivent. Or, pourtant, la Bible déclare qu'on est regardé comme les balayeurs. Les balayeurs, c'est quoi? Ce sont les choses qu'on traîne au pied. On pousse avec les trucs pour jeter la poubelle. La poubelle. Vous savez, il y a des choses que je suis obligé de parler de ces choses-ci. Je me souviens quand je suis rentré du Nigeria, comme j'habitais dans une chambre, comme je vous disais, il y a des gens qui se sont arrangés à aller voir ma famille et dire, quand il va venir là, c'est pas normal que notre pasteur, quand même, il sait Dieu, qu'il soit dans une chambre comme ça où on le méprise. Non, non, non, il faut qu'on voit quand même la gloire de Dieu. Les gens, ils font le doigt comme ça. Ils disent qu'il faut qu'on aille lui, en studio, au moins il commence par là. On meuble le studio pour que le pasteur soit là-bas. Au moins pour qu'il reçoive les gens. Parce que les gens vont-ils recevoir les gens dans quel palais? Il leur a dit, arrêtez-moi ça. Arrêtez ce que vous voulez faire. Laissez-moi comme ça. Vous m'avez connu, j'étais là, dedans. Laissez-moi comme ça. S'il plaît à Dieu, qu'il me donne un jour une maison où je vais habiter parce que j'ai dormi là où j'avais dormi. Quand on fermait la porte, je dormais dehors sur le banc. Ça n'allait pas, il mettait mon pantalon, il partait à l'université, il dormait sur le banc là-bas. C'est comme ça qu'il dormait. Robinet, là, il me lave le matin, il sort, il n'est pas prêché. Ma bouche est toujours réjouie. Les gens viennent, quand ils me sentent, quelqu'un me demande, je lui donne. Après un essai, quand il a vu un de mes anciens professeurs, il a dit que je n'ai jamais souffert. Quand je lui ai expliqué les problèmes que je suis pas, quand je suis passé, il restait beaucoup comme s'il voulait pleurer. Il dit que non, non, ce n'est pas à pleurer. Il n'est pas besoin de mettre la pancarte que je souffre. Il reste en route, je mets le truc comme ça là. S'il plaît à Dieu, je suis habitué. Quand il dit que je suis diplômé de souffrance, je sais de quoi je suis en train de parler. J'ai fait des jours comme ça dans une maison où personne ne savait que j'étais là, j'étais enfermé. Je n'avais pas d'espoir où manger, n'importe quoi où manger. J'entends quelqu'un toque la maison, con, c'est quoi? Con, c'est quoi? Où la police dit, ma maman m'a dit, mais viens te donner la nourriture. On n'a pas de relation. Qui lui a dit que j'étais dans la maison là? Il me donne la nourriture. Vous comprenez ça, frère? Dieu peut faire encore, comme il a dit à Élie, que va là-bas, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Il peut encore le faire. Il peut encore le faire. Alors ma femme est venue dire à ma femme que dis-le d'arrêter. Et Dieu, la suite m'a donné raison. Parce que cette femme qui voulait faire ces choses-là, quand les femmes vous tiennent, c'est fini. Quand ils commencent à prêcher sur les faux ongles, les pantalons, les faux cheveux, c'est les mêmes personnes, les premières personnes qui ont dit que non, non, non, non. c'est celui-là, il est chargé de doctrine qui prêche. D'abord, il prêche. D'abord, on voit la gloire de Dieu sur lui. C'est normal qu'un pasteur prêche, il habite dans un chalet, il n'aime pas où habiter. S'ils avaient lu la Bible, ils sauraient que c'est la marque des serviteurs du Seigneur. Vous voyez, si Dieu avait déjà fait, m'avait fait dans un piédestal où il y a les voitures, une grosse maison, où on peut, les gens, sur l'apparence humaine, on peut voir que voilà un vrai serviteur de Dieu. Et par conséquent, quand on m'invitait quelque part pour aller prêcher, les pasteurs étaient là. Quand ils parlaient, ils finissaient, ils regardaient bien la parole. Mais après, ils quittaient la parole. Ils guettaient de mes orteils. Ils regardaient jusqu'aux pieds. Quand ils voyaient mon visage, ils savaient que c'est le visage d'un souffreteux. Parce que ça ne se cachait pas. C'est le visage d'un souffreteux. Ils gardent un peu, comme la Bible, elle a tordu par ici. Ça veut dire que, il n'y a pas de voix, gloire de Dieu. Alors que sa chaussure brille, il est bien là-bas, bien habillé. Mais je n'en faisais cela d'aucun cas parce que le matériel ne me dit absolument rien. La chose c'est, si je suis en règle avec le Seigneur dans le cœur, ça règle le problème. Si je donne n'importe où, ça me fait. J'ai dit, il tombait dehors, la grande pluie tombait, ça faisait boum. Ce qui tapait au sol remontait sur moi. Je chantais les cantiques, je dormais là-bas. Il ne me plaignait pas. La personne avec qui je dormais, ma femme, elle la témoin. C'est elle qui il partait mouchader. Un an, je savais ce qui passait en lui. On se couchait là. Sur le même lit. Il partait, mal parlait, j'étais con. Il dit que c'est quand il a confessé, il a dit, ouf, je suis libre aujourd'hui, ça fait un an qu'il souffre. J'ai ri jusqu'à. Il dit, tu ris pourquoi? Il dit, je savais que ça s'est passé, tu disais cela. Et comment tu étais comme ça? Il dit, je venais dans la chambre. Je viens dans la chambre, je suis allé lire la Bible. Il éteint la lumière. Je dépose ma Bible au cheveu de lui. Il rend grâce à Dieu. Il me couche, je dors. Comme ça, des années. Il est venu pour une première fois qu'on était. Oui, c'est juste en formation, frère. Vous devrez passer par là. Vous allez passer par là. Alors, il vient, il dit que pardon, j'ai quelque chose à vous demander. Il demande pardon, c'est ma jeune devant que j'ai mal parlé de toi, il m'a parlé. Il dit coucou, le moment est arrivé. Tu me pardonnes. Il dit que comment vais-je pas te pardonner? Je t'ai pardonné depuis. Si je t'ai pardonné pas, je serais parti. Si je partais depuis, tu vas avoir un problème. Il a dit pardonnez-moi. J'ai parlé, mal parlé, j'ai parlé à telle personne. Il dit que laisse, reste tranquille. Je t'ai pardonné. Il dit, chérie, pardonne, tu lui pardonnes. Chérie dit que tu as dit quoi là? Vous savez, les femmes, on veut creuser pour savoir quoi que ce soit. Et quand on dit comme ça, ça t'énerve encore davantage. Donc, mieux ne pas entendre ce qu'on a dit de toi. Tu pardonnes la personne qui dit ça parce que tu risques d'écouter les choses que tu n'aimerais pas écouter et puis tu n'es pas même pas à pardonner. Pardonne, tu quittes là-dessus. Tu pardonnes. Une fois, deux fois, la personne vient maintenant et voit là où j'habite. Deux fois, trois fois. Lui, jusqu'à présent, là où je vous parle, il est toujours dans la même chambre. Il est toujours dans la même chambre. Il dit jusqu'à présent. Quand je crois qu'on était allés ensemble là-bas, non? Là, dans ces quartiers où j'habite, là, c'est pas avec toi qu'on est parti. Alors il a garé là-bas. Il dit, comment tu vois mon frère? Oui, comment? Quand il y a un peu d'argent, il lui donne. J'étais là-bas, dans cette même chambre. Après, il voit une voiture, une couleur de voiture, il vient à la maison. Ma femme fait la salade, il mange. Après, il me donne de l'argent. On a 10 000, on ne lui donne pas, on ne lui pas. Mais il sait toujours qu'on ne travaille pas. Il est étonné. Après, elle se dit, il dit que non. Vraiment, hein, tu es un vrai serviteur de Dieu. C'est la bouche qui colle le mien, l'autre jour, qui est entre les 10 là. Parce qu'ils connaissent comment j'ai commencé. Quand on est dans le lit, il part. Il va boire, il vient vomir. Il esquive, il vomit. Il ne dit absolument rien. Il vomit, c'est la maison. On nettoie. Il se livre à la dissolution, tu es là dans la Bible. Après, il ne sort pas se fâcher. Quelqu'un est toujours là, Bible matin, Bible midi, Bible soir. Il croit que les serviteurs de Dieu plus que lui. Il reste tranquille. Tu restes. Ton esprit va écouter. Tu restes tranquille. Tu reviens. Tu restes tranquille. Tu restes là tranquille. Là, frère, comment tu veux? Bonsoir. Il ne sait pas que tu sais exactement ce que tu as dit. Ce qu'il a dit. Mais c'est terrible d'avoir ce genre de grâce-ci. C'est-à-dire que de savoir écouter, d'entendre, que Dieu te révèle ce que les gens disent de toi. Il faut que tu aies un cœur. Sinon, quelqu'un va venir avant que j'entende que tu as donné ici. Pas. Imaginez le Seigneur le jour qu'il choisissait Judas. Imaginez le jour qu'il choisissait Judas Iscariot. Il dit, Judas, viens, tu es apôtre. Je lui dis, oh, merci Seigneur de m'avoir choisi. Merci Seigneur, je vais te servir de tout mon cœur, hey, de tout mon âme. Tu es un bon type. Tu as vraiment vu. Vous savez qu'il, dès le départ, il savait qu'il devait le livrer, frère. Vous pensez que le Seigneur a dû supporter ça comment avec lui? Marcher avec lui chaque jour. Lui donner la responsabilité même de garder l'argent. Sachant que c'est celui qui va te tuer. Plusieurs sont passés comme ça. Il n'y a pas que regarde tes personnes, regarde, il va faire quelque chose. Il fait vroom, tombe, il tombe là. L'autre vient me raconter, s'assoit à côté de moi. Je viens au milieu de l'assemblée, il dit, frère, je t'ai vu glisser sur une peau de banane. Il a dit, moi, une semaine, frum, pom, il est allé partir. L'autre vient, il dit, et toi, il t'a vu. Ne t'inquiète pas, tu vas me calomnier, frère. Il lui dit, tu vas me calomnier, moi, frère Junior, non. S'il y a quelqu'un qui va calomnier, trois jours, la personne est là dedans. Après, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, c'est ainsi, c'est prévu ainsi. C'est prévu ainsi qu'il me rejette pour que les autres reçoivent. Ainsi, dans la main, pas des cas, ils voulaient d'un encadrer comme c'était leur, ils étaient leur propriété. Pour que je leur dise ce qu'ils veulent entendre. Alors la prédication a commencé à sortir, c'est qui la, le gens qui se parle. Chacun comme ça dit que non. Lui là, il parle. On se rencontre, on s'assoit. L'autre dit que non, c'est que j'aime ce junior, il dit vrai, mais il a cette chose, cette position là, il est trop rigolo, trop carré. Il n'y a pas de. Celui qui m'a envoyé là dit que va, dis tout ce que tu as reçu de moi, sois fidèle. Il doit prêcher comme ça. N'en plaise à quelqu'un, s'il veut, il part, s'il veut, il part. Pas. Je n'ai pas dit à quelqu'un que viens, écris ton nom sur ce carnet, il regarde le nombre de personnes que j'ai. Vous voyez, on prêche comme ça. Ça touche ceux que ça va toucher, ça balance, ça gifle ceux que ça va gifler. Comme l'autre là m'écrivait l'autre jour, j'ai dit, frère Junior, j'ai écouté les enseignements, ça m'a transformé. C'est la vérité, mais donne-moi du temps pour digérer. Je ne crois pas son visage, peut-être qu'il me connaît mon visage. Il dit que c'est la triste réalité, mais ça, il faut que je digère. Il dit, ok, merci ma soeur, c'est le bon jeu, on va digérer. Il est en train de digérer. Faisons attention. Il dit, les marques des serviteurs, c'est exactement ce qu'on a dit de lire là. Il dit, calomnier, on ne remet pas. Constamment dans le feu, la nudité, rejeté, errant ça et là. Ne regardez pas le standard que les gens ont déposé ici, que les vrais serviteurs de Dieu vont être comme ça, vont être comme ça, vont être comme ça. Ne regardez pas. C'est la Bible, c'est ça qu'on a dit de lire depuis ici. La Bible qui a donné les marques des vrais. Comment ils sont? L'apôtre dit que Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des balayeurs, des condamnés à mort, en quelque sorte. Vous avez vu ça? Ok. Vincent. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Amen. Amen. Lisons maintenant quelques passages. Prenons le livre de. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 16, vous savez très bien qu'on donne là-bas l'exhortation de ne pas se livrer à l'amour de l'argent. Et alors, au verset 11, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Vous devez quoi? Fuir. Ok. Ne faites pas des business avec les chrétiens, ceux qui vous dirigez. Des business d'argent. Ne traitez pas cela pour que ça vous amène des problèmes. Ne traitez pas à faire argent avec des gens. Ne faites pas des réunions d'argent que vous venez de cotisation pour faire une caisse de prévoyance chrétienne ici. Ne faites pas de telles choses. Comptez sur le Seigneur que s'il y a un problème, il va résoudre. Comptez sur lui. Ok. Prenons, on va où là maintenant. Allons dans Daniel. Daniel chapitre 12. Daniel, prophète Daniel. Ah frère, parce que l'un des passages quand il lit dans la Bible, ça me fait du bien. J'espère que ça vous fera du bien de la même façon. Vous y êtes? Regardez, je vais lire du verset 1 à 3 là. Ou bien à 4. Regardez. En ce temps-là, nous sommes au chapitre 12 de Daniel. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Vous y êtes? Jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Vous y êtes? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Écoutez bien dans verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Soulignez ça, frère. Soulignez. Vous avez ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Puis dis-toi, Daniel, tiens secret ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, frère. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Nous y sommes, frère. Donc, une promesse est donnée ici pour ceux de la porte de la fin, particulièrement ceux qui vont enseigner la justice à la multitude. On a une promesse. On va briller. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu ce qui vous attend? Notez 1 Corinthiens au chapitre 9. Lisons, il dit notez 1 Corinthiens chapitre 9. Vous allez lire cela. Vous allez travailler cela. Lisons Romains chapitre 15. Et puis on va dans 2 Timothée, on arrête là-bas. Romains chapitre 15. Je crois qu'il va falloir qu'on lise 1 Thessaloniciens chapitre 2. Donc on va lire Romains 15, 2 Timothée, 1 Thessaloniciens. Donc, je dis que vous notez Romains 1 Corinthiens 9. Vous allez lire tout cela, vous allez travailler. Donc, Romains chapitre 15, verset 14 à 20. Romains le chapitre 15, verset 14 à 20. On y va. Écoutez. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. Vous avez vu ça, frère? Donc, vous n'êtes pas appelé à un service normal. Vous n'êtes pas appelé à un service normal. C'est un divin service de l'évangile de Dieu. Vous y êtes? Regardez comment c'est merveilleux ici. Afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Vous avez vu ça? Prêcher la parole aux païens, quelqu'un qui était dans l'iniquité, dans la prison des ténèbres, qu'il ses yeux s'ouvrent et reçoit la lumière de l'évangile venu dans le royaume. C'est merveilleux. Je vous ai dit ça ici, ne me dites pas. Vous avez vu? Verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Vous voyez? Oh Seigneur, nous nous glorifions de tout ce que tu as fait pour nous. Merci Père de gloire pour tout ce que tu as fait, pour les portes que tu as ouvertes, pour les gens qui ont été sauvés. Vous voyez? Mm-hmm. Car, verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Vous avez vu? Ceci doit être un challenge pour vous. Vous devez prêcher, il doit avoir les actes. On y va? Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Donc il est impossible, quasi nul, pour quelqu'un d'aller dire qu'il va annoncer l'évangile de Christ sans la puissance du Saint-Esprit. Ça sera une opération suicide ou bien des. On peut se contenter des choses avant. Tant que vous travaillez pour l'œuvre de Satan et que ça n'arrange pas le royaume de Christ, Satan te laisse tranquille là-bas. Mais si tu vas avoir des confrontations sur le terrain lorsque tu as le bulldozer avec toi, il doit avoir des confrontations. Regardez cela. Et c'est vrai enfin. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. D'accord? Donc comprenez ces choses-ci. Ces choses profondes, que c'est une grâce que d'être appelé au divin service. Vous devez vous glorifier dans le Seigneur. La Bible est claire que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui. Dieu va faire des choses extraordinaires par vos mains. Vous allez prêcher souvent comme ça, comme ce livre de Luc, chapitre 5, verset 17, le dit. Vous allez prêcher comme ça, les guérisons vont se manifester sans que vous n'ayez prié. Comme je vous ai dit que j'ai pris le micro, là-bas, j'ai tapé le micro, la femme est tombée, elle a été guérie. Vous allez faire cela. En fait, je parle de cela. Vous êtes récemment. Vous avez vu, quand on était à Makepe, la femme qui avait l'enfant, elle était assise. Vous étiez là, n'est-ce pas? Celle qui était assise. La fille de la maman qui était assise, elle regardait les gens pendant qu'on priait. Et j'avais dit que je ne prierais pour personne. Vous avez vu ce que le Saint-Esprit a fait dans la salle. C'est à l'autre jour que je demandais à sa maman, que, mais, raconte-moi ce que ta fille avait. Elle racontait qu'elle a été possédée comme ça, on a prié pour elle, fatiguée partout. Elle rêvait comment le serpent venait coucher avec elle, le chat venait coucher avec elle. Et la dernière en date, un homme est venu forcer sa main pour mettre la bague, pour dire c'est sa femme. Vous voyez ce que ça veut dire? La maman dit quand elle, vous savez, les pertes blanches des femmes. Quand elle avait les pertes blanches, ça sortait du groumon. C'était en bloc comme ça, comme le sang coagulé. Coagulé en bloc, c'est ce qu'on peut ramasser comme ça. C'est pas normal. Il dit les pertes blanches. Que c'est ça qui sortait chaque fois. Pourquoi? Parce qu'elle était couchée par le chat, couchée par le serpent. Elle regarde comment quelqu'un souffre. Et elle assise là comme ça. Le jour là, vous vous souvenez, j'ai dit, je ne priais pour quelqu'un. Le Saint-Esprit doit devoir agir pour vous. Imaginez comment ça se passe. La parole sort et ça guérit. Elle est assise là, elle regarde les gens prier. Les gens regardent. Toi, tu étais là. Tu étais là, frère. Toi, tu étais là. J'ai fait rang là. Elle est quittée comme ça. Elle avait l'enfant qui était en été. Pendant que les gens priaient, elle était assise là. Elle a quitté. J'ai seulement observé que elle a dit tu dis que tu n'étais pas là. Il était là. Il est obligé de se faire. Elle m'a été assise. Puis elle a donné l'enfant, c'est mis en boulot. C'était un oublié. Conducteur oublié. Elle a donné l'enfant. En quelques secondes, elle était loin de l'autre côté là-bas. Il demande à maman comment elle se porte maintenant. Elle dit c'est porte mes vermes. Elle n'a plus jamais eu de cauchemar. Personne n'a ouvert la bouche pour dire que j'ai pris, je chasse ces démons au nom de Jésus. Frère, qui l'a fait? Le Seigneur. Donc je dis, dans vos vies, Luc chapitre 5, verset 17, va commencer à se manifester. Vous allez être en train d'exhorter comme ça, vous voyez les gens faire au sol. Vous allez voir, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous témoignerez. En fait, vous allez voir. Mais je voulais dire que ceci ne vous fait pas vous glorifier ou quoi que ce soit, ça que je suis en train de dire. Rentrez, voici le frère Haché, souvent lui et moi on se couche ici, il dit frère Haché, je suis étonné. Il ne sait pas comment ça se passe. Quand il est étonné, lui aussi il est étonné. Comment ça se passe? Il ne sait pas, il ne sait pas comment ça se passe. Il ne sait pas comment ça se passe, comment tu veux qu'il sache comment ça se passe? C'est lui qui fait l'œuvre. Alors je viens, on se couche là, je me couche ici au sol, il se couche là, il dit frère Haché, je ne sais pas ce qui est arrivé là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il peut se diriger là-bas. Il dit, frère, laisse-nous là-bas, tends la main par ici, tends la main. La personne revient, il dit, fais comme ça, il ne sait pas comment il faut dire que fais la main pas comme ça. Il ne sait pas qui. Il me rend compte selon qui il a dû parler. Que tends la main comme ça, il tend la main. Il dit, il fait comme ça. Il fait comme ça, la personne se bam, il est sorti. Parti, il est libre. Il ne sait pas. Où est ça, frère? Votre vie de piété. Faites attention que cette lumière sera autour de vous. Vous allez vous approcher de quelqu'un qui est possédé, la personne va tomber. Vous avez vu ces jeunes filles là, le 21, quand on était assis. Quand elle dit parle, elle ne peut pas me parler. Elle s'est vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu non? Pourquoi elle n'a pas pu approcher? C'est toi qui est à côté de moi, ma gauche. C'est Nadège. Elle a salué quelqu'un ici. Oui, non, elle non, c'est pas moi. Elle a salué, elle a salué, elle a salué, elle a salué, elle a salué le frère. C'est Nadège. Il est tendu la main, elle a fait quoi? Elle a refusé. Refusé. Puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle est partie au sol. Qu'est-ce qui est arrivé, frère? Et là, vous êtes avec moi, on est assis ensemble. Même toi, tu étais là aussi, non? On est assis ensemble, vous allez l'observer. Vous pensez. Hein? Tu ne comprends rien comment. Je suis fait comme ça là. Et c'est tombé. Et c'est tombé. Elle a refusé ta main comme qui a trouvé une vapeur. Elle a refusé de saluer. Elle a refusé de saluer. Alors que c'est ceux qui étaient assis là tout à l'heure. Tu me dis voilà. Il y a un autre qui a mis une distance. Alors, frère, alors, quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te fait? Tu penses quoi au juste? Que c'est la sorcellerie? Alors, c'est comme ça. À quoi Ange en fait souvent, je prêchais. Quand il prêche souvent, il marche dans le couloir. Quand il marche dans le couloir, il me rend compte que quelque chose est en train de se passer. Il me rend compte que quelque chose est en train de se passer. Quand il sent qu'il me tire dans cette direction, il me tire. J'arrive là-bas, je vois la femme faire. Toi, au sol. Il sent que c'est quelque chose. L'ombre là est allé vers elle. L'ombre est allé confronter là-bas. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Quand il fait comme ça, quand il commence le comme ça, il reste seulement tranquille. Parce que c'est lui qui a commencé. Je n'ai pas attaqué quelque chose. Je continue seulement ma chose. Vous comprenez? Regardez cette fille-là que j'ai appelé le frère Laurent de prier. Remarquez comment elle était là. Quand elle était là, il a dit quoi? Il dit frère, il veut savoir comment elle est libre. Quand elle est libre. Quand elle était libre, tout le monde savait, non? Vous saviez. Elle a cherché la direction, elle s'assoit comme ça, faire comme ça là. Parce que si elle savait qu'elle devait tomber là-bas, elle ne serait pas là-bas. Elle devait mettre les pieds comme ça là. Pour dire qu'il ne tombe pas ici. En voyant qu'elle était au sol, en voyant qu'elle était assez élevée. Là où elle s'est trouvée le processus, ça tournait. Quand la truc, le truc est sorti, boum! Elle était libérée, elle dit, qu'est-ce? Où est-ce que je suis? Réaction, elle part là-bas. Je pose la question. Tu tends la main. Le reste qui se passe, qu'est-ce qui est adressé? C'est passé. Voilà les choses que vous allez ce n'est pas enseignable. Ce n'est pas enseignable. L'affaire de l'ombre que je vous dis, que vous voyez dans la Bible, que l'ombre des pieds, vous voyez l'ombre là, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas de ça dont la Bible parle. Quand vous marchez, votre ombre du soleil là, ce n'est pas de ça que la Bible parle. C'est une autre chose, vous allez expérimenter. Quand vous allez expérimenter ça, vous allez savoir de quoi il est question. Quand l'ombre là, quand il se place devant toi, ok, suivez attentivement, conducteur, je vous le dis maintenant, ce qu'on appelle ombre là, c'est la puissance de la résurrection. C'est ça qui est, quand c'est sur le prédicateur, quand elle a une avancée, ça, c'est comme la torche, comme quelqu'un qui est caché quelque part dans une obscurité, qui est en train de voler, et puis subitement tu fais ce comme ça, tchao! La personne qui vient avec toi comme ça, quand ça torche, tu dis, ouais, laisse-moi, qu'est-ce qu'il y a de moi? Toi-même, tu dis que. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est la seule ce qui était ici. Oh, si vous êtes serviteur de Dieu, il ne faut pas que ces choses vous surprennent. Que yé malin, ne soyez pas surpris. Donc, parce que vous allez commencer à enseigner à un moment donné, le Saint-Esprit prend la place. Sans que vous ne sachiez que c'est le Saint-Esprit. vous commencez à vous utiliser, commencez à dire des choses. Après, quand vous revenez vous-même, vous dites, mais de quoi est-ce que je parlais? Vous saurez que c'est lui qui était là en personne. Vous comprenez ça, frère? Vous comprenez? Regardez le frère Jean-Pierre. Une fois, on est allé là-bas, je suis allé m'asseoir à côté de waouh, sur lui. Vous dites quoi? Moi, je veux partir, pas même pas partir. Je suis là assis. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Tu étais à côté de lui, non? Waouh, sur lui. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Waouh, sur lui. Pom, au sol. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis téléguidé. Il faut que ça se passe. Quand c'est fini, quand il dit quitte, il me lève, je quitte. Il me dirige par dehors, je vais dehors. La femme de frère Donat est là. Bonjour. Il capte de dire, c'est quoi cette histoire? Bonjour. C'est à l'intérieur, ça se passe. J'essaie de voir ce qui se passe. Et la main, ça va. Quand ça l'a touché, elle savait de quoi il est question. La personne sait de quoi il est question. Elle reste comme ça. Ça se défile devant elle comme ça. Elle dit que je ne peux pas être dans ce milieu, sinon je suis impur. Moi, j'habite dans un milieu impur. Et moi, je suis ici là. Vous voyez, qu'est-ce qui arrive? La puissance de la sainteté. Vivez dans la vie de piété. Vous allez observer ces choses. Il n'y a pas de magie. Vous êtes venu à cette maison, vous m'avez trouvé la maison. Vous avez trouvé les gens à la maison partout, dans la chambre. Tout le monde est là. Vous avez vu une chambre ici. Vous avez vu une petite chambre où c'est interdit d'entrer. Où les gens, où on n'a pas pour faire. Quand vous voulez prier, nous tous sommes pris ici, non? Vous pensez qu'il y a un endroit ici où on va prier, où on prie que. Il faut. Je ne sais pas comment on va faire cela. Que, il faut attacher tes choses pour faire tes miracles. Vous ferez. C'est un démon va te gifler. Un jour, tu vas savoir de quoi il est question. Tu vas rencontrer un démon qui dépasse ton démon. Nous avons l'authentique. Le Saint-Esprit, le Créateur. Celui qui confond toute puissance. Faites-lui confiance. Dites seulement, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis à ton service, je suis ton esclave. Et voyez-le agir. Mettez-vous seulement à genoux. Dites Seigneur, me voici, livré à ton service. Laissez-le agir, vous allez le voir à l'œuvre. Faites-lui confiance, tout simplement. C'est la confiance, tout simplement. Regardez bien, comme les petits-enfants, c'est à ce niveau-là. Essayez d'être comme les petits-enfants. Que votre intellect n'interfère pas à cette œuvre-là. Et voyez-le à l'œuvre. Voyez-le à l'œuvre. Vous dites, je vais prophétiser quoi, il va aller devant quoi comme ça. Si c'est lui qui te pousse, va devant, tu vas parler. Vous savez, ma femme me dit souvent, ne lui dites pas ça. Elle dit souvent, frère Junior, quand tu t'avances avec quelqu'un comme ça là, pour dire quelque chose, j'ai peur. Il dit, pourquoi tu as peur? Il dit, j'ai peur que tu ne l'aimes. Il dit, que tu ne l'aimes comment? Il dit, que tu dis quelque chose que ce soit faux. Il dit, mais alors, dans ce cas, c'est qui a envie de parler? C'est moi qui suis allé là-bas. C'est moi qui suis allé là-bas. Remarquez cette maman-là, la maman qui était là pour nous toujours. C'est qui a pas témoigné par rapport à son fils. Et pendant qu'il est temps de prier pour vous le 21, qu'est-ce que je me suis arrêté vers elle? Il dit que toi, c'est là, un son, tu as fait un son. Comment? J'ai dormi avec elle, frère. Même si tu dors avec quelqu'un sur le lit, il est obligé de te dire tes songes. Tu as fait un son dans lequel il y avait une cérémonie. Il parle d'un son, il y a une cérémonie. Tu as assisté à une cérémonie. De quoi est-ce qu'il est question? Elle est là-bas comme ça, comme si elle ne comprend pas. J'avance, j'ai pris, je reviens. Il dit que j'ai fini de prier. Je suis revenu vers elle, n'est-ce pas? Il dit ce songe-là, il s'agit d'un reproche que le Seigneur m'a été fait parce que tu as appuyé sur la chair. Tu prends sur le bras de la chef. Elle réveille, oui, je me souviens. Oui, parce que dans le songe, ça lui a donné ce qu'on appelle le manque de confiance. Elle a commencé à compter maintenant que, ok, comme ma fille est malade, je pourrais aller voir telle personne, il me donne de l'argent, il fait. Oui, pourtant le Seigneur lui a donné une promesse. Alors, comment je peux toucher quelqu'un? Tu sais qu'il a le songe, frère. Dites-moi, expliquez-moi comment on peut apprendre ça à l'école. Expliquez. Comment on peut commencer à écrire le livre sur ça que si les songes, tu vois quelqu'un comme ça, tu vas savoir quel a été le songe. Comment on le dit? Que tu vas t'approcher de quelqu'un et tu vas rester comme ça et puis tu vas savoir qu'elle a telle chose. Il y a une soeur là qui m'écoute, elle est en France, je crois, en France, à Lyon, c'est quelque chose à Lyon. Je suis resté ici le matin, je me suis levé et dit à ma femme que j'ai vu, je suis entré dans le sang de cette soeur. Ma femme m'a regardé comme ça. Ma femme m'a regardé, elle a approché son visage, je me suis entré dans son sang, comment j'ai dit, j'ai vu son sang. Son sang n'est pas pur. Elle est d'une lignée mixée. J'ai dit, ça. Ma femme dit, c'est quoi? Il dit, moi, mais je ne sais pas. Quoi, la question? Je n'ai pas fait cela. C'est pas moi. Je l'ai vu. J'ai vu son sang. J'ai vu. Alors, quand elle a appelé, il dit, ma soeur, je t'ai parlé. Il dit, oui. J'ai vu ton sang. Et quoi qu'elle est gabonaise. Et ton sang n'est pas pur. Tu n'es pas pur gabonais. J'ai vu dans ton sang une personne, une paternité, quelque chose, autre comme ça. Elle dit, oui, c'est vrai. J'ai continué parce qu'il y a quelque chose derrière. Comment on peut savoir cela, frère? Quelqu'un que je n'ai pas rencontré physiquement. Il se trouve en France à 4000 km, 6000 km d'ici. Comment ça peut s'effacer? Comment un être humain pourra faire de telles choses? Comment? Expliquez-moi comment. Que tu te lèves là, tu te lèves le matin, tu dis à la femme que j'ai vu telle personne, je suis entré dans son sang. Je suis entré dans son sang, entré dans son sang. C'est qu'il y a un sang qui circule dans cette veine-ci. Mais ça, c'est. Sort de sang, tu regardes le sang, mais ça peut être un sang de Gabonais, plus ça. Comment tu vas faire pour savoir, si tu veux imaginer, pour dire quelque chose à quelqu'un? Il faut s'abandonner à l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut s'abandonner. Si vous appelez là-dedans, dans le ministère des prophéties, vous pouvez aller. Ne vous aventurez pas pour commencer à dire que tu t'appelles comment. Ce n'est pas le. Vous appelez comment on appelle ça, le jeu de loterie. Ce n'est pas ça dont il est question. Il faut être à même de dire quelque chose à quelqu'un. Si tu ne comprends pas, tu dis autrement pour que la personne saisisse. De quoi est la question? Alors, ceci, ça doit être l'œuvre de l'esprit. Ça doit être l'œuvre de l'esprit. Pourquoi tu dis frère Hervé, sinon, t'es voilà. Mais c'est sur son ventre que ça se trouve. Comment tu peux savoir que c'est dans le ventre que ça se trouve? Que c'est de quoi est-ce qu'il est question? Comment est-ce qu'on peut savoir? Je crois que frère Hachi, tu étais ici, dans cette même maison-ci, quand la fille à qui on a remis 500 est venue ici. Qu'est-ce qui s'est passé, frère Hachi? Tu as oublié. N'est-ce pas toi qui l'a délivré ici? Oui, mais comment je fais? Ah, mais tu l'as délivré. Dis ce qui s'est passé. Pour qu'on m'explique. Pour que Anou comprenne. En fait, l'une des filles de notre bien-aimé frère, elle était venue là, elle avait les problèmes. En fait, ça faisait longtemps qu'elle a ces problèmes-là. Et il s'agissait là d'études mystiques. Une dame avec elle travaillait chez un 500 qu'on lui a remis. En fait, elle dit, d'après l'explication qu'elle nous a donnée, qu'elle est copine de la fille de cette maman-là. Et cette maman-là, ils sont allés ensemble, comme Dieu fit marcher pour aller chez eux, pour aller chez les autres. Mm-hmm. Ils sont arrivés chez cette maman-là, la maman lui a dépanné avec 500. Et ça, non, la fille de cette maman était malade de cette maladie-là. Oui. La maladie, quand tu tombes, tu te dis, comme raide oui, mort. Oui. En fait, c'est ici qu'on a eu à comprendre tout ça, parce qu'elle n'avait pas expliqué. Mm-hmm. C'est quand elle dit que. On lui a donné 500. Bon, elle a aussi pris la mine dans son sac. Depuis ce jour qu'elle a pris, elle n'arrive pas à manger. Elle dit chaque fois qu'elle pense que je vais acheter le beignet avec, dès qu'elle arrive devant le beignet, elle a la nausée, un truc comme ça. Et les 500 sont. Le Dieu qui est au ciel là est vivant. Demeuré dans ses poches, oui. Donc elle monte. Elle sort de Bafoussam. C'est à l'instant que ça a donné la direction que, en réalité, malade, elle avait la maladie, donc se trouvait sur cette fille-ci. Quand ils ont transféré ça dans ces 500 et envoyé ça, et ça prend cette fille, donc la personne qui a ces 500 va souffrir cette maladie. C'est le frère Ferdinand qui était là dehors, qui est venu se saluer. C'était lui. C'était sa fille. C'est l'un de mes derniers amis de l'université. C'est lui qui est resté, le reine de l'escapé. Qui a dit que même si tu es sorcier, j'ai vu comment tu as commencé. J'ai vu ce que Dieu a déjà fait dans ma vie au travers de toi. Toute sa famille, même la femme. Je sais pas. Oui. Donc, lorsqu'il est comme ça, il appelle le juste à Yaouni. Il dit que la fille est venue en vacances chez lui. Il m'appelle, il dit que c'est fort. Il dit que c'est quoi? Il me dit, on va me dire que j'ai tué quelqu'un. Il dit c'est quoi? Il y a une fille ici chez moi. Elle est tombée. Elle était tombée. Tu as vu comment son corps était. Quand elle tombe, son cœur ne bat plus. Elle reste comme ça. Direct. Tu ne peux pas bouger sa main. C'est l'épilepsie. C'est l'épilepsie avancée. C'est pas comment ça se lève. Donc, tu es même l'autre ici. C'est chronique, en fait. C'est comme presque mort. Quand elle tombe, son cœur ne bat pas. Son œil reste comme ça là. Le noir, la partie noire de l'œil part. Donc, si tu n'as pas la foi au Seigneur Jésus-Christ, tu vas dire que pourtant, aller à la maison, il veut venir prier par là-bas. Après, tu donnes rendez-vous, tu ne viens pas, tu éteins le téléphone. Pour te débarrasser. Pourquoi on ne dit pas qu'elle est morte chez toi? Alors, il m'a appelé quand j'étais à Yaoundé. J'ai dit, frère, prie pour elle. Elle a prié. Elle est un peu revenue. Quand ils sont rentrés, ils sont venus, c'est un mercredi, ou c'est un samedi, ou c'est un mercredi. Il est venu, elle s'est assise là. Je ne sais pas si c'est mercredi, qu'il y a le discernement est descendu. J'ai dit, je ne sais pas si c'est mercredi. C'est samedi que tu as dit ça ici. Oui, c'est samedi, voilà, ça tombe le samedi. Parce qu'un samedi, c'est samedi que tu as dit que tu étais ici. Tu lui as dit que mademoiselle, une personne âgée t'a donné quelque chose en ta possession, c'est ça qui est le problème. Le monsieur était ici, sa femme était assise. Tu sais, sa femme est catholique. Et en étant celui-là, a pris le téléphone, il était allé le filmer. Comme sa femme voyait souvent les choses à la télévision, c'est après qu'elle nous a dit que comme elle voyait la télévision, quoi que c'était le montage. Elle était assise là, à côté de son mari, elle était ici. J'étais ici, Flash était ici. Elle était là debout. J'ai dit, elle était assise sur les chaises ici. J'ai dit, une personne t'a donné une personne âgée t'a donné quelque chose. À l'instant où c'est sorti, la manifestation a commencé. Elle a commencé. L'esprit est dénoncé. Quand l'esprit est dénoncé, il doit partir. Sur la chaise, il dit frère Achille, va au travail. Frère Achille a compris sa part. La sueur a coulé sur ses cheveux, sur ses pieds, sur ses tuyaux. Quoi, quoi. Frère, son oncle a la vidéo. Ça a changé la vie de sa femme au courant de ces choses. Parce que c'est sa petite soeur. Il connaît ce qui se passe. Même sa maman a dit seulement que va là-bas pour aller. Si tu peux faire. En fait, ça a fait que elle l'a pas fréquenté au courant de l'année. Parce qu'elle a voulu composer pour toi. Elle est tombée en salle d'examen. C'est parce qu'elle a perdu l'année comme ça. Quand je lui ai dit, tu as pris quelque chose d'une personne âgée, elle a fait comme ça, réfléchir. Une personne âgée t'a donné quelque chose. Tu as en possession. Il dit miséricorde des miséricordes. Depuis plus de 6 mois qu'on lui a donné 500 francs, elle n'a pas bougé cela. Ça se trouve dans son sang. Et Dieu merci, elle était venue en venant à Douala. Elle est venue avec. La pièce de 100 francs, de 500 là, c'est dans son sac. Il arrive sur ces pièces là. Alors quand on l'a fini, on a prié pour elle, on l'a délivré. Quand elle s'est levée ici, ses parents savaient physiquement que c'était résolu. Parce que sa physionomie avait littéralement changé. Quand elle s'est levée là comme ça, elle dit que cette vieille maman, qu'il y a une vieille maman qui venait dire que non, parce qu'elle crie là, qu'elle crie ouais, non, je ne laisse pas. Elle voit dans le songe, elle voit la vision, ce qui se passe, que c'est une maman qui résistait le moment. Puis le feu est sorti sur elle, boum, elle est partie. Quand elle est partie, elle s'est levée là, elle avait changé littéralement. Elle est allée à la cuisine, la personne qui mangeait, elle m'a mangé. J'ai expliqué là que deux personnes, parce que j'avais tenu sa main pour prier, et si elle voyait deux gros monsieur, deux gros personnes. Oui. Un monsieur très gras, arrêtez sa main, dit que mais tu es ma fille, tu vas aller où? Mm-hmm. Elle qui se lève, elle nous explique. Je explique. Alors que c'est la main de frère Achille. Oui, elle dit. Le frère Achille devenait un grand ange. Ah, voilà. Vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas? Mm-hmm. Puis je lui dis maintenant, va apporter l'argent. Quand elle a apporté l'argent, la pièce de 500 avait noirci. Tu vois la pièce de 500 avait noirci. C'était comme une fausse pièce. Chargé. Tu es athlète comme ça, tu sens comment ça s'est chargé. J'ai écrit sur le papier. Je suis couvert, j'ai écrit avec le plus gros sur un format. Je suis couvert, il dépose ça de l'argent. J'ai fermé. Il dit que rentre à Bafoussam. Va donner à la personne qui t'a donné. Si tu ne trouves pas, jette là-bas. Elle a dit qu'elle allait donner ça à la fille. La feuille là, sur laquelle elle avait écrit, tombée dans la cour. Elle a déposé. Elle a donné à sa mère, elle a refusé. Elle s'est tournée, elle a donné à sa fille. Dès que sa fille a pris, elle est tombée. Elle s'est tournée pour partir. La mère a chopé pour raconter. Mais sa mère savait que c'est ce qui était sorti. Non, c'est la mère de la fille qui était à la maison. La grand-mère qui avait donné, ça était dans l'autre village. Quand on l'a appelé que sa fille est tombée, elle dit qu'on lui a donné quelque chose. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Elle dit oh. Mais elle savait exactement ce qu'elle en était. Voilà. Elle dit que voilà la chose qui est partie là. On va rechercher la prochaine cible. C'est que ça va tomber. Justement, parce que en voyageant dans les bus, il y a un des éléments qui fait partie de ce qu'on appelle la clinique africaine. Ceux qui passent du temps, ils font le tout. Ils te donnent, vous testez. Par exemple, justement, des moyens pour se soigner. Il dit que pour se soigner de certains maux de tête, il faut. Souvent fait, et puis tu prends un truc là, tu prononces le nom de quelqu'un, tu jettes. Il dit que bon, pour ne pas faire du mal à quelqu'un, pour enlever la maladie là, tu prends telle chose, c'est quel objet bien tel. Tu prends ça, tu regardes le soleil, et puis tu jettes dans la direction du soleil. Bon, c'est là, je comprends que même en jettant là, quelqu'un va prendre. Il va dire que c'est justement c'est le même transfert, ça va aller prendre le chauffeur. Oui, c'est parce qu'il sait que s'il dit comme ça, tu vas comprendre que c'est quelque chose de mauvais. Oui. Tu vois comment on initie les gens dans la voiture. Oui. Je prends. Tu sais ça, oui, justement, il donne les trucs aux gens, il faut marcher. Comment marcher? Lui-même, goûte. Tu manges à l'âme. Après, le soir, tu vas voir comment tu es dans les royaumes en train de manger avec les morts et autres, tu ne sais pas, alors que ce sont les choses que tu as goûtées dans la voiture. Donc, tu dis que non, donne, mais va t'accueillir goûter. Lui, il peut goûter parce qu'il est avec eux. Il est regardé comme ça, là. Il parle des choses là-bas, je ne ris pas dans la voiture. Alors, je prends tous ces exemples, c'est pour vous montrer qu'il y a des choses qu'on ne vous apprendra jamais, que vous devez apprendre, vous laissez l'Esprit de Dieu vous apprendre. L'autre fois, on allait avec le frère Achille, avec un père, chez un père à Makepe, c'est Bonamoussa dit. On allait chez lui, on était assis comme ça. J'ai expliqué, le papa était assis là, comme frère Achille assis. Sa fille était assise là, frère Achille était assis à côté de moi. J'ai fini d'expliquer tout ce que presque tout ce que j'en expliquais, en expliquant que le royaume de Dieu consiste en la puissance. Que l'évangile, il dit que, parce que j'étais comme ça, il avait sa Bible, j'ai donné le verset, il lit. Il dit, papa, l'évangile que tu vois là, c'est puissant, ça délivre. Le père, là, comme il est gros, il regarde comme ça. Comme il est costaud, il regarde autrement. C'est sûr qu'il se dit que. Oui, celui-ci, il raconte, il raconte quoi. Quand il finit, il dit papa, il est fini. Tellement la Bible. Il faut qu'on prie pour la fille pour qu'elle soit libre. J'imagine, je ne sais pas ce que le père a pu imaginer. Il dit qu'il veut aussi voir comment ça va se passer. Il dit madame, lève-toi, il fâche, lève-toi. Mais attendez la main, pam, elle est au sol. N'est-ce pas, frère? L'évangile est puissant. Alors, frère, a prié. Frère, je raconte. Comme tu vas voir ta part avec les esprits là ici dehors. Ah, que Dieu soit loué. Le chou là, c'était fort frère. Mais cette fille était, c'est lui qui dit qu'elle est chargée de. Tu l'as, elle l'avait maigri, elle était comme le bâton. Puis tout ce qu'elle consomme, ces gens-là s'occupent à. On a commencé à prier, on a prié, bon, on passe, tourner. Le père qu'elle avait observé. Le père était seulement dépassé. Peut regarder pour voir vraiment. On n'avait rien. Mon frère, on priait. Jusqu'à un moment donné, elle est restée calme. C'est même ce jour que j'ai su que les esprits sont rusés. Elle est restée calme. On a cru que moi, j'ai cru que ça allait. J'ai relâché le feu. Je lui ai dit que non. Il y a encore un délire. Il a dit ça. Elle s'est dépêchée. J'ai envoyé de l'œil. J'ai dit elle est restée calme. C'est lui qui dit qu'il y a encore le délire. Il l'a dénoncé. Par la grâce du Seigneur, on a prié jusqu'à ce qu'elle est devenue libre. Il a dit ok, c'est fini maintenant. Lève-toi. Il est devenu conscient. C'est l'air, on dit, donnez-lui à l'eau, prends l'eau, bois, conscient. Et il a pris le Seigneur, il va lui donner les paroles d'encouragement. Maintenant, tu vas prendre quoi? Je souhaiterais qu'un jour, je descends encore là chez eux pour lui poser des questions. Mon frère, j'ai une question. Je sais, frère, mais tu n'as pas seulement une seule question. Parce que je sais, tu n'as pas une seule question, tu as des questions. Les domaines se poussent à poser des questions. Moi-même, je me pose aussi des questions. Donc, pose-moi la question que je peux répondre. Si je ne peux pas répondre, je ne pourrais pas te répondre. J'ai dit qu'il y a des choses que vous devez expérimenter. Vous allez expérimenter. Tu étais à l'assemblée de tout quand le garçon là était aveugle et qu'il a vu. Comment quelqu'un peut être aveugle et on dit seulement, il voit et que ses yeux s'ouvrent. Comment expliquer-moi, comment physiquement, comment tu peux expliquer, tu peux faire le cours sur ça. Pose ta question, alors peut-être que vous faites une action qui va répondre. Bon, voilà par exemple, c'est ce dernier exemple que le frère vient de donner là. Oui. Le frère Achille a prié, oui. Il a cru que c'était déjà terminé. Oui, et j'étais observé, j'étais en train d'observer. Elle s'est levée comme ça, elle s'est assise. Ça va, oui, ça va. Le frère Achille, c'est mensonge. C'est mensonge, pas l'autre sur le dos. Bon, voilà, exactement. Et celui qui est sur le dos, oui. C'est toujours le Seigneur qui intervient, le discernement qui vient. Je pose la question, si c'est pas comme ça, comment c'est possible? Qu'est-ce que l'être humain a que tu peux parler sur ce que l'esprit se manifeste? Parce que quand il est dénoncé, automatiquement il voit la manifestation. Amen. N'est-ce pas, frère? Ok. Je prends le garçon qui, pour qui le frère fait, Laurent a prié pour une fille. Pour une fille. Non, est-ce que c'est le frère Laurent qui priait pour la fille qui baille? Oh, c'était moi. C'est toi. Non, il y a une fille là qui a prié que sa soeur avait l'enfant. Maman, c'était toi. Maman de... C'est qui priait pour sa grande soeur? Quelle était debout? C'était toi qui priais pour elle? C'était un bailleur designer. Comment tu voyais? C'est comme ça, un bailleur pour aller. C'est normal. Et vous voyez que 30 minutes avant, vous avez dit que des démons sortent de ces façons-ci, n'est-ce pas? Et vous avez vu la pratique, comment ça se sentait? Mais là, si tu vas prier avec la tête, que quand tu pries pour quelqu'un, il faut qu'il tombe. C'est que tu seras déçu là. C'est qu'à un moment donné, tu vas pousser la personne que la personne tombe. C'est pour cela que vous voyez très souvent, je prie pour quelqu'un, je ne veux même pas toucher la personne, pour que la personne ne dise pas que c'est parce que tu m'as touché. Vous pouvez prier pour quelqu'un, déplacer cette puissance de résurrection sur elle sans toucher la personne. Et ça, il faut la relation avec le Seigneur. Alors, j'étais en train de prendre celle-là pour voir celle qui était assise à côté de maman Anna, celle qui avait l'enfant. Il dit sa petite soeur qui était assise là, sa soeur qui était assise. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu étais là. À un moment donné, j'ai dit, toi également, tu as besoin de prier, n'est-ce pas? Il y a l'ombre là sur toi. Elle s'est levée. Oui. Pas vrai? Je l'ai touchée. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Tu étais à l'assemblée quand elle a raconté ce qui s'est passé, souvent c'est dans ces nuits, avant cela. Vous étiez là? Non, je crois que tu devais là. Quand je l'ai appelé pour dire que qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme qui venait me coucher avec elle là en nuit. Oui. Que désormais. Tu l'interromps, ne continue pas parce qu'il y a des choses bizarres là-bas. C'est pour montrer effectivement que ces choses-là, voilà, une personne qui vient lui faire des couches de nuit, c'est pas normal. Et celle-là pour qui on prend les mêmes choses, même celle pour la faire, celle que j'ai dit que l'enfant, elle allait tomber seule, elle a vomi et puis se sentir. Regarde comment c'est le chat qui vient coucher avec elle, c'est le serpent qui vient coucher avec elle, c'est terrible seulement. Donc si tu es un homme, tu épouses déjà des femmes, si tu es fini. Or, ces choses-ci là maintenant. Comment je suis assis subitement, je me lève et dis, ah toi tu as besoin de prier, il y a un ombre sur toi, lève-toi. Et puis quelque chose, fou. Et puis elle est au sort. Après elle se lève. Qu'est-ce qui se passe frère? Mais honnêtement, hein, oui. Moi je vais être honnête. Oui. Moi je me dis que, comme on a vu tout à l'heure, on a reçu des talents selon notre capacité à faire fructifier. Oui. Pour moi, je me dis que c'est lié peut-être au ministère ou bien à tes capacités que le Seigneur t'a donné ce discernement, tout cet accompagnement-là. Qui peut-être forcément, celui qui n'a pas les mêmes capacités que toi, ne peut pas aussi être efficace sur Ok, on va prier tout à l'heure, là. On va voir la différence, n'est-ce pas, Franck? Est-ce que vous pouvez tirer rapidement les conclusions? Je ne tire pas les conclusions, n'est-ce pas? On vient de répondre en disant que nous avons des talents en fonction des capacités de chacun. Bon, moi, donc, quand je vois toutes ces choses-là, n'est-ce pas, cet apprentissage sur le terrain, sur le fait. Bon, vous pensez que qui m'a appris ça? Non, je veux dire les capacités, c'est-à-dire que. Le fait est bien. Forcément, il y a ceci, ça n'a pas de rapport avec les capacités qui sont en toi et qui peut-être nécessairement nous autres. Moi, par exemple, je n'ai pas ces capacités-là. Bon, Dieu, tu as vu Dieu œuvrer au travers de toi, frère Hervé? Oui, frère. Alors, dans ce cas, sur cette sainte foi-là, il va bâtir là-dessus. C'est pas toi qui avais chassé une fille là-bas, la pomme, jusqu'à elle aller se cacher sous l'autre là-bas. C'est pas toi. Avec Momo, la nuit que j'ai dit que chasser les démons, vous allez chou. Tu as cru. Attaque personne. Il m'appelle la nuit. Quand on a fait la autre femme, le frère que je prie pour elle, je dis que frère, moi, parce que j'ai d'abord revu dans mon cœur, c'est que moi, je peux prier parce qu'on dit que oui, foi, on impose un même. Alors que pourquoi? Parce que parfois tu dis que non, parce que le démon s'est déplacé. Alors qu'il faut prendre la main ici, là. Donc ça veut dire que tu babas. Alors qu'il faut prendre la main ici, que non. Et je veux que non, je veux vraiment que pour prier vraiment, il faut vraiment qu'on voit. Donc il faut qu'on ait un domaine spirituel. Que ce démon ne dépasse, on sait que non, il s'est déplacé. Déjà qu'il ne parle pas. Il faut... Donc ma question, on vous pose un peu là. Justement. Il faut prier. Moi, j'ai une autre manière de voir la chose. Oui. Nous venons de lire dans 1 Timothée chapitre 4. Quand on dit d'abord à partir du verset 8, il dit qu'il faut s'exercer à la piété. Voilà. Parce qu'elle est utile à tout. Et on reconnaît sa vie présente et celle à venir. Oui. Que les scopoles est utile à peu de choses. Quand on progresse, suivant, on dit exerce, il dit applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et puis il dit que personne ne méprise sa jeunesse. Il dit que tes progrès seront évidents. Oui, et que tes progrès seront évidents. Pour moi, je comprends là. Plus on s'exerce à la piété, plus Dieu augmente. Plus on s'attend justement à ce que Dieu justement augmente ces choses-là. Amen. Donc si ça ne se manifeste pas aujourd'hui, est-ce qu'on se donne tout entier? On est d'accord. Est-ce qu'on s'applique? Je suis d'accord avec son analyse. Je peux y dire encore quelque chose là-dessus. Ayant plusieurs preuves déjà. Après que je fus appelé, le jour de mon appel, j'ai entendu la voix du Seigneur. Mais après ça, bon, ce n'était plus comme j'avais connu auparavant. Mais ce jour, ma toute première fois d'être conduit par l'esprit, comme ça, c'était sur le colonel, le capitaine. C'était le capitaine qui entre. On était dans les louanges. J'étais debout, je ne sais comment c'est passé. Et tu ne savais même pas que c'était un militaire? Oui. Bon, je ne l'avais jamais dans vu. Mais ce que j'étais là, j'étais dans le jeûne. Et pendant qu'on était, j'étais à jeûne. À jeûne. Oui, j'avais fait des jours de jeûne vraiment. D'abord, avant que tu continues, n'est-ce pas? Il a été dit que les vendredis, et dans l'église qui se réunit chez toi, tous les jours vous réunissez, que vous voulez, vous êtes le conducteur, vous devez prioritairement être à jeûne. D'accord? Voilà. Alors, donc, j'étais à jeûne. Mais monsieur tenu là, je ne sais pas, je l'ai vu, j'ai seulement compris qu'il est souffrant. Bon, maintenant, c'est en moi que j'ai compris. Conduis-toi vers lui. Bon, je ne sais pas ce qui ne m'a pas fait poser des questions ni réfléchir. Je suis seulement allé. Et les mains, c'était un peu comme si je n'étais pas conscient. Les mains allaient comme ça. Ce n'est pas moi qui ai choisi là où je vais mettre la main. J'ai constaté seulement que mes mains sont allées là. Je me suis mis à prier. Je ne sais pas. Ça venait comme ça venait. J'ai prié. C'est quand j'ai fini. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'ai fini, je regarde encore tout le monde en train de louer comme ça. J'ai dit, mais comment je me suis même déplacé jusqu'ici? Je suis rentré là. C'est quand on finit qu'il rentre. Pas témoignage. Ça m'étonne. Il ne comprend pas comment le frère Achille a compris qu'il avait mal là-bas. Il y a un deuxième cas, le frère Jean-Pierre, qui était papa. Ces choses m'ont étonné. On était là, c'était un mercredi, ça ne fait pas longtemps, mais comme il venait juste d'arriver à la réunion. Et j'étais toujours âgé. On a fait tout la science jusqu'à rentrer. C'est en route à la sortie là, sur les escaliers, qui m'a dit, ouais, mon frère, j'ai un problème. J'ai un mal en moi que depuis des années, ça me tourmente. J'ai dit que mais c'est que Jade m'a expliqué qu'il a une bosse en lui. Il le fait mal. À l'intérieur. Oui, continuellement. Gros à l'intérieur. Il dit qu'il faut que je prie pour lui. J'ai dit que ah, tu crois tout simplement que Dieu peut permettre que j'impose la main à sa vie. Il a dit oui. J'étais jeune. Il a dit que ok, que Dieu se glorifie. J'ai posé la main, j'ai compris comme quelque chose a fui. Va, j'ai eu peur. J'ai dit que hey, j'ai vu ça. J'ai dit que. Donc tu n'as rien senti, dis non, moi je tremblais. Oh, dans, il était dans l'esprit, c'est dans l'esprit qu'il a fait ça. J'ai eu le courage encore d'imposer la main maintenant. J'étais conscient là, je priais avec peur. Parce que j'ai compris que je vais. Mais bon, tu peux se rester pas dedans et t'envoies la paix dans tes mains comme ça. Puis ça pourrit entre mes mains comme ça. La première fois. Alors j'ai continué, j'ai prié, je suis resté calme. Alors je réfléchissais que comment ça fuit. Moi je sens, il ne me sent pas. Bon, j'ai cru peut-être qu'il peut me considérer comme un menteur ou pas. J'ai dit, j'ai compris ces choses. Que je suis rentré, quelques 3-4 jours, il est revenu me dire, mon frère, la fin là, comme tu as pu satisfaire. Je suis resté. Bon, moi aussi, je vous pose une question, mais attends, il peut avoir ma question aussi à faire, Achille me répond. Dis-moi comment ça se passe. Non, bon, là, je voulais revenir pour répondre à mes frères. Je vais dire quelque chose. J'ai été constamment avec toi, il y a des choses que j'ai vues. Et tant je vois, j'analyse, je comprends. Au départ, j'étais comme le frère, comme le frère Jimmy, je posais des questions comme comment ces choses se passent. Mais j'ai compris que, après ces choses, j'ai compris que plus on est sensible à l'esprit, plus on peut aimer son être. Par le coucher, il peut nous manipuler. Il te manipule, plus tu comprends. C'est pourquoi, après ça, dans nos sujets de prière, j'ai dit que Dieu nous donne à être sensible. C'est partant de là où j'ai compris que l'esprit peut être avec toi, mais tu t'endurcis par ta pensée, par ta façon. Mais si tu te laisses, il peut le faire. Et quand il fait, c'est pour t'apprendre que désormais, si tu sens ceci, va comme ça, il va le faire. Il peut le faire de parler. D'accord? Donc nous, on ne peut pas seulement, étant comme ça, on ne peut pas dire que non. C'est parce que tel à tel donc que ça fonctionne comme ça. Non. En fait, l'esprit veut nous enseigner à le connaître. Parce que clairement, on le connaît pas. Et il peut vouloir agir. Nous-mêmes, étant dans nos pensées, on croit que c'est nous. On refuse ou on part. Oh, quand on commence à le connaître, quand il fait ce signe, tu connais. Tu te laisses aller. Je peux m'asseoir comme ça. J'ai pris le cas de ma petite soeur à la maison. Elle avait âme. Elle avait un mal de dos sur la colonne vertébrale que tous les jours elle pleurait. Chaque fois, j'ai prié sur ça jusqu'à un moment donné. Ah, je me suis découragé. Mieux seul qu'elle. Mais un des soirs, on était à la maison comme ça, en train de prier. Ce signe a fait fort. J'ai dit, le Seigneur est là. On a cru que c'était la blague. Donc, bon, moi, en déclarant, je ne sais pas, c'est sorti que le Seigneur est présent. Prier fermement, on a prié. Jusqu'à un moment donné, j'ai entendu une huile sur elle. J'ai dit, donne-moi lui. On a donné l'huile là. Et tracé sur sa colonne vertébrale, va. On a prié et puis j'ai aussi imposé les mains sur plusieurs à la maison. Quand on a fini de prier, elle avait des difficultés de respirer. Elle est restée comme ça. Elle était sur mon côté, elle faisait toujours. Bon, on demande, c'est quoi? Elle dit que non, j'attends une fois. Elle a attendu 2-3 jours. Elle dit, je suis guérie. Elle savait que les choses étaient passées. Elle savait. Elle dit que quand elle faisait parce que quand elle tirait, avant, elle respirait, après, mais elle a senti comment elle respire. Ça passe. Ça passe. Parce que sa colonne était belle. Oui, elle s'est étonnée. Oh, c'est après deux jours qu'elle témoigne maintenant que je suis guérie. Alors, je pose la question. On peut apprendre ceci à l'école. Voilà. Donc, après ça, je crois que c'est l'esprit seul qui peut nous enseigner. Juste maintenant, si je peux m'asseoir, si ce signe vient, je peux me laisser. Je m'abandonne. Je ne réfléchis pas dessus. Fais ce qui te plaît. Et alors, nous sommes comme ça. Bienvenue. Il peut nous utiliser. Voilà. Au-delà du sujet qui nous interpelle, moi, je donne mon petit souci là. Parce qu'une fois, vous aviez dit à l'Assemblée que la quantité d'onction que l'on peut posséder serait certainement la parole ou alors proportionnelle à la quantité d'amour de Dieu et de la parole qui est en toi. Que ce sont nous ferons pour nous conseiller. J'aimerais savoir si telle est la condition de l'homme. Il faudrait que ce moment, bon. Le socle, c'est l'amour. C'est même par là qu'on a commencé aujourd'hui, n'est-ce pas? le socle, c'est l'amour. Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui ne l'aime pas. Si tu ne sais pas aller faire du mal avec, non, et si tu vas vouloir contrôler le Saint-Esprit, comme le cas de Simeon. Et bon, je vais prendre, on envoie le feu, Seigneur, on envoie le feu sur eux. Détruisons-les, on quitte ça. L'amour. Il y a un dernier exemple que j'aimerais citer parce que ça me vient à l'esprit là, le cas de frère Achille lui-même si. La soirée où il subitement il était allé prier pour quelqu'un, je ne sais pas si à l'assemblée à l'opinion tu étais là. La soirée où il priait, je dis que toi, lève-toi, il s'est levé là. Le frère Hervé était là, le frère Hervé. J'étais là, frère Hervé, il te pose la question, tu penses qu'est-ce qui s'est passé en lui? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé pour qui? Ou bien tu penses que qui lui a dit lève-toi? C'est ton ombre. Ok, ton ombre, tu as entendu notre nom maintenant. Ça n'a plus de je veux témoigner cette chose-là. Parce que c'est une chose terrible pour moi. Tu vois, c'est acheté. Parce que normalement, en journée, j'avais fait cette prière au Seigneur que, ouais, tu m'as envoyé à quelque part. Et je suis allé, tu ne fais pas à ce que je sache que tu es d'accord avec moi sur lui. Donc, je me trouve comment? Voilà ce que j'ai fait cette journée. Le petit matin, bah, ça me dérangeait. Le soir, quand je suis arrivé à la réunion, j'avais mon endroit que j'avais pour habitude, j'aimais m'asseoir là-bas. Mais ce jour-là, c'était autrement. Je suis allé devant, j'ai compris, assieds-toi ici. J'ai dit, mais est-ce que j'ai pour habitude de manger? J'aime m'asseoir. Après, j'ai dit, quoi bon de discuter. Je suis allé devant m'asseoir là. Je ne l'avais jamais vu faire ce truc-là. Et je n'aimais vraiment pas les trucs qu'on impose vraiment là. Ce n'était pas mes affaires. Une fois, ma tante m'avait amené chez un des pasteurs qui venait nous. Ils m'ont cogné la tête. Ce truc-là me dérangeait. On avait dit que je suis possédé. C'est pourquoi je suis trop colérique. Et je fais trop les choses de force. J'ai dit à ma mère que je ne suis pas. Je suis naturel. Donc elle m'a amené ma tante. Elle m'a dit qu'il y a un pasteur. Il va te racler, tu vas tomber. Ils ont mis là-bas, ils bavardaient des gens, tombaient jusqu'à sur moi. Ils les calaient sur moi. Ils cognaient ma tête, cognaient ma tête. Tu étais debout. Je finis, je regarde ma tête, je dis, tu vois, il n'y a rien sur moi. Donc j'ai haï ce truc-là. J'ai dit que je n'aimerais jamais rencontrer quelqu'un qui fait ce truc. Ce jour, je vois le frère Junior venu, il a mis sa Bible. Cette soeur, cette musulmane-là, elle était assise à l'angle. Il est entré, il s'est tourné vers elle. Elle a dit, lève-toi. Ah, j'ai commencé à regarder que l'autre aussi, c'est encore quoi. Ça sort toi. Quand je vois, il dit, lève-toi. Elle s'est mise debout, il a fait, vom, sa tête est allée comme ça, vom, sans toucher. J'ai dit, j'avais toujours dit que je n'allais pas venir sur les endroits comme ça. Je ne dis pas, je n'ai pas parlé ça avec la bouche. Mm-hmm. C'était dans mon cœur. J'ai dit, ouais, qui m'a pas envoyé ici. Quand j'ai dit ça, j'ai entendu la voix de l'esprit. Me dit, n'es-tu pas ignorant? Tu ferais mieux de prier que de te poser des questions. Ah, je suis revenu à moi. J'étais tranquillement assis comme ça, je le regardais faire. Parce que ce qui m'a marqué, c'est qu'il transpirait. Quand il a commencé à faire, c'est transpirer beaucoup. Il tremblait, mais ça m'a dérangé. J'ai dit à mon cœur que, oh Seigneur, c'est ton serviteur. Voici mes prières, je vous dis la vérité, je m'en prends au nom du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est ton serviteur. Et c'est toi qui agis au travers de lui. Donne-lui la force de bien réussir dans son œuvre. Tel que tu veux faire. Il s'est tourné comme s'il a dit, frère, je lève comme moi. J'ai dit, ah, j'ai encore fait quoi. Ce n'est pas fini dans ma bouche, dans mon cœur. Il a dit, frère, je lève comme mon cœur fait bon. J'ai dit, mais j'ai encore fait quoi ici. Je me suis aussi levé. C'est quand il se dirigeait vers moi, il a ouvert la bouche, il a prononcé ses paroles. Que regardez, vous êtes en train de dormir, voir le flashy qui a demandé quelque chose et cela lui était donné. C'est là où j'ai compris donc maintenant qu'il ne s'agit pas d'un homme debout, il s'agit là d'autre chose plus que l'homme. Quand Dieu entre en action, frère, c'est terrible. Et c'est là où il s'est aussi avancé, mais il a fait fort, je suis allé un côté, fort, je suis allé de l'autre. Et je me posais la question, qu'est-ce qui me poussait? Parce que lui, il était loin. Donc il était comme, il fait fort, je pars comme ça, il fait fort, je reviens. Dire à moi que merde. Comment il fait ces choses? Il a soufflé sur moi. Pff, c'est là où un vent m'a pris en otage. J'ai commencé à dire, ma paix est venue sur Jésus. J'ai commencé, en fait, je rendais seulement grâce à Dieu. Père, merci. Veuille me dépouiller de tout ce que tu veux. Et les prières me montaient comme ça. Fais de moi ce que tu veux. J'étais là et balançais, ça me balançait. À un moment, j'ai dit à moi que mais je balance même pas, je dois m'arrêter. C'est comme en disant ça, j'ai déclenché. Là, maintenant, tourner de toutes les forces. Donc, je ne parvenais plus à m'abstenir. Et j'avais les yeux fermés. Jusqu'à ce que j'entends ma peau dire tends ta main, tends ta main. J'ai juste tendu la main, il a touché ces choses merveilleuses là. Mon prix depuis la main, j'entendais ça. Mon et vous, à le temps, vous êtes assis là de voir les choses se passer, nos frères. Vous ne savez pas ce qui se passe au milieu. C'est arrivé là, ça s'est divisé. Une montée. L'autre descendait en force. On dirait qu'on me purifiait. C'est comme si on m'avait passé dans quelque chose qui nettoyait. Vous savez, le genre de vent, quand les gens qui font les roues, là, qui pulvérisent les roues, si on fait le tuyau, le vent là, il se tombe. Si on met cette pression là, c'est comme ça. Exactement ça. Comme si on avait mis une pression avant qu'on pompait, ça retirait tout. À un moment donné, je me suis senti léger. En fait, je voulais m'envoler. Je croyais que je pouvais monter vers les ébattis. C'est comme ça, ça sortait dans la chute. Tu croyais que tes cheveux étaient dressés de oui. Tu vois, en fait, pour moi, je me disais que quand tu mets la pression derrière quelque part, tout est en train de se diriger de l'autre côté avec cette pression-là. Je me disais que tout en moi était comme ça. Quand ça pompait, jusqu'à un moment donné, elle s'est tranquillisée. Elle s'est tranquillisée, elle a dit c'est bon. Il parlait, mais elle a dit asseyez-vous. Moi j'ai passé, en fait, tout l'enseignement qu'on a dit le soir, j'étais pour la. Je voulais comprendre. Tu poses mal la question. Parce que je suis resté là pour réfléchir. En fait, je réfléchissais dans deux sens. Ces choses enlèvent quoi en moi? Et comment c'est? Ça m'a rendu léger comme le papier. Léger! Alors, voilà comment ces choses se sont déroulées. Et à partir de là, je n'étais plus le même. Amen. La pesanteur, la colère extrême, en fait, tous mes désirs se sont noyés le jour-là. Mes projets, mes pensées, la façon que je voulais fonctionner dans la vie, s'est noyé. Et à partir de là, non, je partais, je savais que j'étais un esclave. Amen. Du Seigneur. Et c'est, je pourrais dire, c'est là où l'amour du Seigneur a grandi en moi. Alors, frère, expliquez-moi ça. L'amour est devenu plus grand parce que j'étais devenu trop passionné. Je voulais mourir pour le Seigneur. Je ne savais plus que quelque chose pouvait m'effrayer. Non, je sais que le Seigneur a tout fait bon. Alors, c'est quelqu'un qui est assis, il a déparé dans son cœur. Il dit, Seigneur, ici. La sueur est sûrement comme ça, c'est ça qui a attiré mon attention. Parce que c'était en plein air, il y a de la fraîcheur. Oui. J'en ai prié parce que, comme je prie, il ne me regarde pas. L'atmosphère ne permettait pas que la sueur. Pierre, la sueur. Parce que c'est en plein vent. Comment alors ça coulait? J'ai regardé tout le monde. Personne n'avait. J'ai vu, il n'y avait personne qui avait ça. J'ai dit que c'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que le froid était là. Tout le monde est bien tranquille. J'ai commencé. En fait, je vous dirai la vérité, c'est Dieu faisant toutes choses. Amen. Parce que même le sujet de prière, même la direct, je n'ai jamais rien demandé. Même la place où tu es venu t'asseoir. Même la place était tout un tas de problèmes. C'est moi qui avais suivi tous ces événements que après, je comprenais maintenant que tout n'était pas de moi. Dieu a tout planifié. En fait, ce qui voulait me donner derrière, c'était l'assurance de son serviteur. Parce qu'il m'avait dit, n'est-ce pas, tu m'avais dit que tu voulais quelqu'un, je peux suivre mes paroles. J'ai dit, oui, Seigneur, il a dit, le voilà. J'ai voulu m'en dire, il a dit, veux-tu recommencer? J'ai dit, non, Père. Je ne sais pas qui me donnait. Il a dit, non, Père. J'ai pris la course, je ne l'avais jamais pu ni voir. Je suis seulement allé l'appeler. Et le lendemain, très tôt, j'étais chez moi. Je ne le connaissais pas. Il m'a accueilli. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit que ce n'est pas lui. Aujourd'hui, je suis blessé à tout le monde. Je ne comprends pas comment j'entendais une autre voix qu'aujourd'hui, je n'entends plus la même chose. Parce que ce jour, pour moi, la voix était comme le tonnerre. Quand il prêchait à la radio, oui, j'étais à la maison. Je comprenais cette voix, c'était bizarre, c'était fort. Je m'attendais à un homme moins de 3 mètres. C'est costaud. Voilà ce que, par rapport à l'autorité que j'entendais dans son langage, il parle parce qu'il a voix. Mon gars, tu n'as voici un serviteur selon le Seigneur. Directement, il m'a dit, n'est-ce pas, tu m'avais dit. Et c'était l'une de mes prières, la dernière fois que je rentrais chez le témoin de Jéhovah. Parce qu'en fait, il m'avait donné ses désirs depuis. Il est fouillé. Ce jour, j'ai dit, oh Seigneur, toi, tu me demandes de te chercher. Je ne t'ai pas vu. J'ai fouillé partout. Mais tu es Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te cherche pour te trouver. Si tu veux que quelqu'un te connaisse, tu vas le faire, te connaître. Alors le jour où tu vas susciter un serviteur que tu as ou et établi à ton service, envoie-moi là-bas, j'ai lancé ma Bible, le monde, qui me donnait même ses prières, je ne sais. Je ne peux pas dire, je ne connaissais pas prier. Ça sortait comme ça et j'ai balancé. J'ai lancé ma Bible comme ça, j'ai pris le monde à moi. J'ai joué ma vie maintenant tranquillement jusqu'à ce qu'il me coince. Quand il me coince, ça faisait exactement 3 mois. Quand il me coince, il me rappelle. N'est-ce pas, c'est là où tu dis, n'est-ce pas, tu m'avais dit que tu voulais quelque chose ici. Quand il dit comme ça, je me souviens exactement du jour. C'est pourquoi je n'ai que la bouche pour répondre. Et ce qui m'étonne, c'est que ça ne m'a pas effrayé. Oui, Père. Bon, ça m'a effrayé, ça ne m'a pas fait réfléchir. J'ai dit, oui, Seigneur. Qui me dit que c'est le Seigneur? Je ne sais. J'ai dit, oui, Seigneur. Il a dit, alors, le voilà à paix. J'ai pris le but et la fille, c'est à l'instant qu'on donne le numéro à la radio. Je suis directement allé à la radio. Je suis allé à Pays-Bas. Après ça, je suis revenu à moi. J'ai senti cette faiblesse-là. J'ai dit, oh, il faut que je me brosse, je me lave, je sors. Comme ça, en route, je peux trouver de quoi manger. Cette journée, j'étais à jeûne parce que j'étais au tribunal. Je ne pouvais rien. Il me dit, veux-tu recommencer? Quand il dit, veux-tu recommencer comme ça, c'était mes habitudes. Bah, depuis 2005, il faisait ces choses. Je comprenais, je disais que bon, je vais réfléchir sur ça après. Je prends, je mets derrière, j'oublie. Chaque fois qu'il me montrait des signes terribles, il y a eu un signe qui m'avait coincé comme ça en plein jour, la moto était bloquée, j'ai tout fait dans la nuit pour rentrer, je n'avais pas. Ce jour, je ne sais comment, j'ai soulevé la tête, j'ai dit, mais Dieu, tu dis que tu es vivant, aide-moi sur cette affaire-ci pour que je sache que tu es vivant, aide-moi. J'étais coincé, je n'avais plus où aller. Frère, vous ne pouvez pas savoir. J'ai mis la moto à côté de la rigole comme ça, du caniveau, entrer dans le caniveau pour mettre la moto sur mon épaule, partir avec. J'ai soulevé, ça m'a remis au sol. J'ai compris que je ne peux rien. J'ai donc laissé là, m'arrêter, dit Seigneur, tu dis que tu es vivant. Aide-moi donc que je sache que tu es Dieu. Que je sache que tu vis et que tu nous entends. Aide-moi. C'est merveilleux. J'ai entendu cette voix, car tu es dans ma main. J'ai dit rien. Et j'avais mes trousseaux de clé que j'avais mis sur le petit doigt. Si j'ai dit rien, j'ai quoi? Après, je me suis dit, j'ai dit, bon, voilà les clés, ça peut m'aider à faire quoi? Il m'a dit, c'est toi ça. Voilà ce que j'ai compris. J'ai dit, mais les clés là vont me servir à faire quoi? J'ai souffert. Mais dans mon cœur, je savais que, comme c'est dit, ça va fonctionner. J'ai donc regardé. J'ai dit, mais je vais donc utiliser quoi? J'ai regardé le tout là, j'ai regardé, oh Dieu, j'ai soulevé un petit bout. Il y avait un ancien taille-on qui était cassé, mais c'était resté accroché sur mon trousseau. À l'intérieur, il y avait un petit couteau. J'ai donc soulevé, j'ai envoyé là, j'ai fait bah, tout ça, faut ça. J'ai dit, oh Dieu, vraiment, tu es vivant. Je sais que tu es vivant. J'étais content, beaucoup de joie. Après, tu as allé le fuir encore. Oui, voilà, maintenant, je sais que tu es vivant. Oh, je t'aime. C'est comme ça que j'ai pris la moto rentrée en chantant des louanges comme ça. Ça me plaisait. Je suis arrivé à la maison quelques 2 jours. J'ai encore oublié. Donc, elle me dit, veux-tu recommencer? Donc, tout ça s'est aligné. J'ai dit, non, père, parce que ça devait me coincer. C'est là où je l'ai rencontré. Une chose m'a marqué, étonnant. Le jour où on se rencontre, il me donne 2 paroles qui m'ont bougé les mains. Il m'a regardé, il a dit, sens-toi bien. Parce que je me sens bien, toi. En fait, c'était à moi. Je voulais à tout prix qu'on règle mon compte. Cela me dit, je vois que hier, avant que tu m'appelles à la radio, le Saint-Esprit m'a dit, voilà quelqu'un qui a les problèmes avec Dieu. Le truc, il m'a secoué. J'ai compris que c'est pas normal. J'ai dit, qui pouvait savoir que j'ai les problèmes avec Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Parce que personne ne connaît. Il n'y avait que lui et moi qui connaissons que la chose est couverte. Je l'ai regardé, aussi tranquille avec les barbes là, il me regardait, il rit toujours. Ça m'a fait vibrer en moi. Mais je ne connaissais pas distinctement ce que c'est que le Saint-Esprit. Bon, quand il m'a dit ça, ça me dérangeait. Après, il dit, je vois l'angle. Quelqu'un a écrit quelque chose, on a lavé, on t'a donné. C'est revenu en arrière, ça fait 7 ans. Mon grand frère, quand il m'a pris, étant jeune, il m'a amené chez l'un des charlatans, un marabout, un monsieur arabe comme ça qui avait. Nous sommes arrivés là-bas. Cet homme a dit une chose qui est vraie. Il a dit que quand il me regarde, il y a une puissance sur moi pour fonctionner, mais il y a une personne qui m'empêche d'exercer. Il me donne le truc là comme ça pour que ça me libère. Donc il m'a plutôt attaché. Quand il m'a dit ça, c'est revenu, j'ai dit oui, mon grand frère. Tu vois ce que le Saint-Esprit fait, frère? C'est chaud. Il est assis, là, quand il appelle la radio, il dit viens à la maison. Il vient à la maison, il s'assoit là. Voilà. Tu vois, c'est quelqu'un qui a un problème avec Dieu. Voici, il te regarde, tu es devant quelqu'un, on a écrit quelque chose sur le tableau, mm-hmm. on a versé dans l'eau, tu as bu. Comment ça peut. Dis-moi comment ceci peut se passer dans le truc. La personne se trouve devant toi. En fait, Descartes n'a aucune portion dans cette affaire. Personne. Descartes n'a pas, ça veut dire que le. Ce n'est pas cartésien. Il n'y a pas ces choses-là. Ce n'est pas intelligible. Alors, ce sont ces choses-là que le Saint-Esprit nettoyait, comme ça, nettoyait tous les âmes, parce que tous l'ont nettoyé. Nettoyé. Maintenant, le royaume des ténèbres n'a qu'à s'en tenir. Parce que le bulldozer du Saint-Esprit est en mouvement. Il y a des trucs, il faut être étonné là, ça va être... Tu te tiens là comme ça, tu es quelqu'un, personne ne t'a même vu. Tu dis qu'il y a l'encre, on a écrit sur le tableau. Non, on était là-bas deux, toi, mon grand frère et moi, plus le monsieur là. Je ne connais pas, le monsieur était à quelque part au fin fond de Bonabéry là-bas, je ne peux même pas répéter. Mais dès lors qu'il a dit ça, c'est revenu comme si c'était hier. Enfin, j'ai dit oui, c'est vrai, voici ça. Oh, cette parole-là, la troisième parole m'a vraiment arrangé. Elle a dit, c'est la dernière. Chaque fois, tu te forces pour y aller, mais cette fois-ci, tu me retournes. Tu me retournes, puis c'est terminé. C'est terminé. Et c'était vrai. On a dit, cochon, ne suffit pas. Je peux rester comme ça, en fait. Même si je veux le faire, je commence à laisser les écritures, que je n'ai. C'est comme une partie de moi-même. Donc, il est là, il est là. Même si lui-même voudrait quitter par le monde, il ne peut plus. Il y a des moments où je voudrais aller m'asseoir, travailler même comme ça, je ne parviens pas. Quand j'ai pris, on m'a envoyé à quoi? Je travaillais avec le frère Constant à Grasse Industrie là-bas. Le simple fait que ça me prenait plus de temps me rendait malade. Je comprends. Quand il m'a écrit son épître, il m'a écrit l'épître à frère. Il dit que à frère Jimmy. Il va dire que le frère Achille, prisonnier de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Au frère Jimmy, à l'église, il s'est réuni là chez eux. C'est ça, non? Ce que je sais parmi nous, c'est qu'il a plus au Seigneur, il nous aime. Voilà ce que je sais. Et je sais qu'il fera des choses merveilleuses. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on accepte souffrir pour nous. Amen. Tout ce qu'il attend de nous. Si on accepte et qu'on se donne, c'est encore avant-hier que j'exhortais le frère. Christ Victoire, que cette parole m'a été donnée. Moi-même, j'ai dit tout à lui avant de comprendre que c'est à moi que j'adresse indirectement la parole. Qu'est-ce que j'ai dit? On est entré dans la nouvelle naissance, on parlait des trucs comme ça. J'ai pris l'exemple debout comme ça. J'ai dit que regarde par exemple un enfant, dans le ventre de sa mère, il a une nature. Il est humain, clair. Mais là-bas, il n'a pas la nature d'ici. Quand il vient ici, toutes les choses changent. Mais sa nature d'humain ne vient pas commencer ici. Il vient avec. Mais quand il est ici, on le donne le lait maternel, après on le fait. Quand il a quelques jours, on va faire la bouillie. À un moment donné, on fait quoi? On le nourrit. À un moment donné, on lance la queue. On met son riz comme ça, on lance la queue. On dit que défends-toi. Il sait la queue. Quand il prend, il ne sait pas si ça chauffe ou. Il envoie. Quand ça chauffe, il dit ah! Prochain coup, avant de consommer, je lui ai donc exhorté comme un homme, tiens ferme comme un homme, engage-toi, prends ta queue, commence à manger et progressivement tu vas t'en servir. Quand j'ai fini de dire ça, je comprends que c'est à moi que j'étais en train de dire ces choses. Donc prends ta vie de foi en main et engage-toi. Je l'ai regardé comme ça, j'ai eu honte. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé à moi, je suis d'abord resté calme. C'est là que j'ai compris cette exhortation qu'on devait prendre. La vie de foi en main. Voilà. On commence à se donner et Dieu fait le reste. Amen. Voilà. Ainsi sera-t-il. Frère Arnaud, tu as quelque chose à dire avant qu'on entre dans la phase de la prière maintenant. Quel dernier souci. Oui. Ça veut dire que nos corps pourraient être dans le temps en temps alloués au Saint-Esprit. Pas que alloués. Tu es vendu. Prends un Corinthien là. Pourquoi? Bon, sans que nous soyons scellés par lui. Il nous utilise et puis après. Non. Libre par où? Prends 1 Corinthiens chapitre 6. Tu veux qu'il repasse? Je comprends sa question. C'est la différence ici entre le baptême du Saint-Esprit et l'empressage du Saint-Esprit. Voilà. C'est ça dont il est question. Donc, cette question ne doit pas être répondue ici. C'est déjà répondu dans les enseignements. On va enseigner là-dessus plus profondément. Je reconnais que tu es nouveau, mais ça va aller. D'accord? Laisse-toi seulement. Si tu es dans le marigot là, dans la piscine là, nage seulement, même si tu es en pantalon. J'ai dit 1 Corinthiens quoi? Chapitre 6. 1 Corinthiens 6. Lis le verset 19 et 20, voilà. 6. Je suis du la circoncision. Tu parles. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 6. Verset 19 et 20. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Donc, du fait que Christ soit mort pour nous, déjà, c'est suffisant pour qu'on ne s'appartienne pas. Il fait de ça ce qu'il veut. L'utilisation du Saint-Esprit, les manifestations de ces différents dons, le scellage, c'est sur les choses différentes. Nous parlons, tout ce que nous allons accorder ici, nous allons parler de la manifestation du Saint-Esprit. D'accord? Le baptême du Saint-Esprit est une chose, le remplissage du Saint-Esprit est une autre chose. Et dans le baptême du Saint-Esprit, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il est permanemment avec l'Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont baptisés du Saint-Esprit, peuvent être remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit peut aussi être rempli du Saint-Esprit. Mais l'important, c'est d'être scellé du Saint-Esprit. Là où nous sommes maintenant, c'est ce qui fait pour le ministère. Fermez les Bibles, on va commencer. Vous saurez que le Saint-Esprit est passé sur vous maintenant. Vous saurez que quelque chose a changé dans votre vie maintenant. Que la grâce et la paix vous soient déjà multipliées. Amen. Souvenez-vous, aimez le Seigneur. Et s'il m'arrive quelque chose demain, recevez ce témoignage sur de moi, que sur la terre j'ai aimé le Seigneur Jésus-Christ. Et que là où je suis à bon port. Je suis arrivé au bon endroit. D'accord? S'il arrive que je ne suis pas sur la terre, ne vous lamentez pas. Dites seulement, frère Junior, j'espère qu'il va courir comme toi pour arriver là où tu es. Parce qu'il n'en fait aucun doute, je n'en fais aucun doute. Je vais y arriver par la grâce du Seigneur. Et je serai là-bas ce jour-là. Donc, réjouissons-nous du fait que nous aimons le Seigneur. C'est une grâce déjà de l'aimer. Vous comprenez? Le bailleur, celui qui a cette chose, qu'elle n'est pas de Jésus. Je dis non, je ne vais pas entendre l'histoire de Jésus. Non, non, non. Et Dieu t'a donné le souvenir. Qui t'a dit que Dieu m'a bien souvenir? Il ne veut pas l'entendre parler de lui. Et pourtant, il a la maison comme ça là. Ça, c'est la maison, c'est au moins 65 millions. Il a comme ça au moins 7 dans la ville. Il est conduit au village. Les choses prospèrent. Mais l'enfant de Dieu loue chez lui. Parce que tu peux me dire que pardon, je ne veux pas l'argent, c'est moi-ci. À quelqu'un qui ne veut pas servir le Dieu à qui il appartient les cieux et la terre. Mais nous ne devons pas, la Bible nous dit qu'il ne faut pas qu'on envie les biens des méchants. D'accord? Alors frère, comment vous vous sentez maintenant? Vous êtes prêts pour prier? Je vais prier pour vous. C'est l'ordre. Et je vais vous imposer les mains. Et vous n'avez plus le choix. Les choses vont changer. Après non ça, puisqu'il est plus de 18h, et quoi que les femmes vont préparer les choses, avant vous allez manger. Donc vous allez manger la parole. Vous allez boire une autre chose maintenant. Puis vous allez manger la nourriture qui va fortifier votre chair. Ils sont prêts à manger. Ils sont prêts à manger. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit qui m'a choisi, m'a établi et qui vous a aussi établi, vous donne selon sa grâce ce qui est destiné pour vous maintenant. Mettez-vous là. Amen.